Nouvel album de Patricia Cass cet automne en concert dès le mois de janvier. Elle chantera Salle Pleyel à Paris les 26, 27 et 28 janvier. Puis tournée des Zéniths. Patricia Cass est d'ailleurs la première artiste française à signer avec Live Nation Monde. Elle prépare une tournée mondiale. Puisqu'on parle musique, Christophe Baratier, mon petit doigt me dit que vous travaillez en secret sur un spectacle musical autour des choristes. C'est vrai ou c'est faux? Ah. Non, c'est vrai. On dit, oui, non, c'est vrai. Oui, c'est vrai. La bouille qu'il a fait, j'ai compris. Oui, oui. Non, ben oui. Ça fait longtemps qu'on m'avait demandé de le faire et que je trouvais qu'il fallait se détacher suffisamment de la sortie du film pour pas qu'on me dise ah oui, mais c'est Jean-Baptiste Meunier qui va reprendre le rôle. Bon, évidemment, on me l'a encore demandé. Hein, tout. Oui, Jean-Baptiste qui reprend son rôle. Bah, non, mais c'est incroyable. Et donc j'ai fait une adaptation. Un grand garçon. Oui, une adaptation où finalement j'ai aussi non seulement il y aura toutes les chansons qu'on attend, mais également de nouvelles chansons puisque les rôles, même des adultes, deviendront partiellement chantants. Donc, il s'agit d'une vraie adaptation du film. Ce n'est une adaptation pour la scène. Il n'y aura pas d'extrait du film. Je veux dire, j'ai fait vraiment une autre version, mais tout le monde trouvera ce qu'ils attendent tout en étant surpris. Et c'est pour le mois de février aux Folies Bergères. 2017. Ah, voilà. Prochain mois de février. Alors, dites donc, c'est une info. Donc, voilà, les choristes aux Folies Bergères. Voilà, c'est ça. Et donc, mais ce sera une vraie véritable adaptation. Voilà, ça sera, je prends beaucoup de plaisir 12 ans après, parce que c'est 12 ans après. Une dernière pause et on vous donne la réponse à la question que vous posez Stéphane pour gagner des places pour découvrir l'Outsider, le nouveau film de Christophe Baratier. À tout de suite. Vous cherchez une complémentaire santé pour maîtriser votre budget à la retraite? Avec AXA, profitez de 7 formules personnalisables et sans limite d'âge pour optimiser votre budget. Même si vos besoins changent à la retraite, vous serez toujours vous et toujours bien protégé avec AXA. Rencontrez votre conseiller AXA ou rendez-vous sur axa.fr. On en parle. Le service civique, programme d'engagement volontaire pour les jeunes, on en parle aujourd'hui avec Marie Pastor, représentante de l'association Coalia. Bonjour. Bonjour. Alors, c'est quoi accueillir un volontaire en service civique? C'est faire le pari qu'avec un projet citoyen, un jeune va acquérir des clés pour sa vie future. Ça permet à un jeune de 16 à 25 ans, jusqu'à 30 ans pour les jeunes en situation de handicap, de s'engager dans une mission d'intérêt général, qui d'ailleurs n'est pas forcément reliée à un projet professionnel. Pas besoin de diplôme, juste de la motivation. Très bien. Et pourquoi recruter des volontaires alors? En fait, pour nous, le service civique, c'est la chance d'accueillir des jeunes de tous les horizons et qui ont envie de s'engager dans une action. On a besoin de cette mixité sociale-là. À chaque fois qu'on accueille un volontaire, on ouvre un peu plus notre association à des idées et des projets innovants, à des nouveaux regards. Ouais. Et toutes les associations peuvent faire appel à ces jeunes? Les associations, les organismes publics et toutes les structures qui ont un projet d'intérêt général. Merci Marie. Plus d'infos sur service-civique.gouv.fr. On en parle. Monsieur Lettonnet flâne dans un parc public quand il croise Monsieur Papillon tenant une bouteille en plastique vide à la main. Monsieur Papillon, pourquoi ne jetez-vous pas cette bouteille vide? Demande-t-il perplexe. Cette bouteille en plastique est peut-être vide, mais elle est pleine d'avenir, rétorque superbement Monsieur Papillon. Alors je ne veux pas l'acheter, mais la mettre dans un bac de tri pour qu'elle soit recyclée en nouvelles bouteilles, ou en ours en pluche, ou en oreiller, ou en beaucoup d'autres objets du quotidien. Vous voulez savoir comment? Allez sur ecoemballage.fr. Carrefour. Claire, c'est à toi tout ce linge là? Oui. Bon, alors tu vois, ça c'est une machine à laver. Ah! Alors tu ouvres là, tu mets ta lessive. En plus, dès demain et jusqu'au 27 juin, chez Carrefour, il y a 50% d'économie sur de nombreux produits, comme la lessive du Obule Le Chat. Ensuite, tu mets ton linge, tu fermes le hublot. Je crois que j'ai compris le message. Du 21 au 27 juin, dans vos hypermarchés Carrefour et leur drive, profitez de 50% d'économie sur de nombreux produits, comme par exemple la lessive du Obule Le Chat. L'expert ou sensitif par 32, produits dangereux, respectez les précautions d'emploi. Carrefour. Bon, alors, pour repeindre ton couloir, il te faut deux choses. Un rouleau? Ouais, ça j'ai. Et du savoir-faire? Ah ouais, mais ça j'ai pas. Oublie, j'y arriverai jamais. Mais t'as des voisins? Des voisins? Oui, des voisins. Alors tu vas sur Allo Voisin, tu fais ta demande « Cherche peintre pour repeindre mon couloir » et hop, tes voisins te répondent. Allovoisin.com. Besoin d'un service? D'un coup de main pour la maison, le bricolage ou le jardinage? Demandez simplement sur allovoisin.com et vos voisins vous répondent en temps réel. Allovoisin.com? C'est très utile, un voisin. Question santé, il y a ceux qui pensent que ça n'arrive qu'aux autres. Évidemment, ils se trompent. L'arthrose, par exemple, concerne environ 17% de la population française, mais elle n'est diagnostiquée que dans la moitié des cas. En cas de raideur ou de douleur articulaire, vous souffrez peut-être d'arthrose. En consultant votre médecin sans tarder, vous pouvez bénéficier d'une prise en charge globale efficace de l'arthrose. Plus de renseignements sur arthrolink.com des laboratoires Expanscience. Campagne de détection précoce de l'arthrose avec les laboratoires Expanscience. RTL Matin. Laissez-vous tenter. Avec Yves Calvi. L'Outsider est-il votre troisième ou votre quatrième film? C'est mieux si j'arrive à le prononcer, Christophe Baratier. Quatrième. Et ben voilà, ouais. Ceux qui ont correctement répondu au 32-10 auront donc des places pour aller le découvrir mercredi en salle. Merci beaucoup d'être venu nous parler de cette aventure finalement assez folle qui était la préparation de ce film et son tournage. Ça m'a fait plaisir, je suis toujours très bien reçu chez vous. Passez une excellente journée. Merci à toute l'équipe. Demain, je vous signale que nous serons, notamment, vous pourrez entendre dans Laissez-vous tenter les confidences de Céline Dion à quelques jours de sa série de concerts à Paris. Bonjour, cher camarade. Il boude ou pas il boude? Mais parce non, pourquoi retard. Julien. Ah non, mais je ne boude pas, moi. Non, je suis désolé. Je rends l'antenne avec 2 minutes de retard. Mais je suis capable aussi de faire amende honorable. Mais c'est Berne qui va se prendre 3-4 minutes de retard. Ah, c'est bon! Bien fait, allez-y à fond dans Berne. Alors attendez, oh, hein, on est en famille ici. 18h-22h. Allez, ça marche. Bonne matinée. Salut Julien, ciao, bonne journée. En direct, mesdames et messieurs, c'est parti. Nous y allons. Nous allons vous aider dans la bonne humeur. Négocier, appeler les gens et poliment, gentiment, tenter la négo qui va vous rendre la vie plus facile. Un exemple concret, du concret, du concret. Jean-Michel est en ligne. Bonjour Jean-Michel. Bonjour Julien. Jean-Michel. Eh ben merci d'être avec nous. Vous nous appelez d'où, Jean-Michel ? De Toulouse. Alors Jean-Michel, vous allez nous dire dans une seconde que vous avez acheté une voiture d'occasion. Combien ? Environ 15 000 euros, enfin un petit peu moins. Et aujourd'hui, la voiture refuse de démarrer. Alors la voiture a refusé de démarrer. Elle a été réparée. Le souci, c'est que en fait, le mandataire avait donné son accord donc pour prendre le coût de la réparation complètement à sa charge. Et depuis, il ne donne pas signe de nouvelles au garagiste. Très bien, on va s'occuper de ça dans une seconde. En fait, au départ, j'étais parti pour un petit teasing et vous êtes rentré complètement dans l'histoire. Ah, non, mais c'est bien, mais vous avez raison, Jean-Michel. Du coup, ben voilà, tout ça attise la curiosité de tous. Donc, je suis obligé de dire que nous avons aujourd'hui Maître Felono La Divina qui est là. Bonjour à tous. Bonne semaine. Et nous avons regardé Maître De Comment le lord du PV, du radar et de l'automobile. Bonjour Julien. Et pour négocier, un ancien spécialiste voiture, Hervé Pouchol. Oui. Bonjour à tous. Vive la France, vive la République. Alors Jean-Michel, tout a commencé par un message que vous avez laissé sur le répondeur RTL 3210. Nous l'écoutons. J'achète une voiture que je paye 15 000 euros sur un site. Après plusieurs refus, le professionnel prend enfin en charge les réparations de ma voiture tombée en panne. Le véhicule a été réparé ailleurs avec l'accord du même professionnel. Cela fait près de 2 mois qu'il n'a toujours pas réglé les 1 500 euros de réparation. Alors, il n'a pas réglé, vous l'avez compris, il vous l'a expliqué. Il achète une voiture d'occasion chez un professionnel. Heureusement, grand professionnel que nous avons déjà appelé sur cette antenne et qui a tout de suite résolu le problème. Donc, comme la voiture ne démarre pas, vous les appelez, la voiture part chez un autre garagiste, et ce garagiste-là, apparemment, ne s'est pas fait payer, c'est ça, Maître Felono ? C'est exactement ça, et il y a quand même 1531 euros et quelques en jeu, donc je comprends que le garagiste en ait un peu assez maintenant. Et demain, c'est pour ça qu'il y a urgence aujourd'hui, car si demain... la somme n'a pas été virée, que fera le garage ? Eh bien, il encaissera le chèque de caution déposé par notre ami, puisqu'il a voulu garantir quand même la réparation bien à ce garagiste en cas de défaillance d'un tiers. Et évidemment, il était prudent. Et je vous pose la question, Jean-Michel, quand vous appelez le gros vendeur, celui au départ par qui tout a commencé, qu'est-ce qu'il vous dit ? Ah ben, je n'arrive à obtenir aucun responsable, donc les commerciaux, eux, ne savent pas exactement les démarches qu'il faut faire. Donc j'ai envoyé un mail il y a maintenant plus de 10 jours, et je n'ai toujours aucune réponse. Alors, nous allons l'appeler dans une seconde. Je voudrais ouvrir une petite parenthèse pour 2 choses, et après on lance l'appel pour Jean-Michel. Ce matin est une émission un peu spéciale aussi, puisqu'il y a notre chantier de solidarité qui démarre. Rappelez-vous, la pauvre Myriam s'est fait avoir, elle a donné toutes ses économies à un entrepreneur qui n'a pas du tout fait ce qu'il fallait dans la maison, puisqu'il n'a rien fait apparemment. Et la pauvre dort dans ce qu'on peut appeler le garage avec son fils, c'est une catastrophe. Mais les auditeurs d'RTL se sont mobilisés. C'est ce matin qu'on rencontre tous les artisans. Donc je crois que Myriam, qui est la maman, est en ligne avec nous parce qu'elle va chercher Sarah qui va nous faire le duplex en direct durant toute la matinée. Myriam, êtes-vous en ligne ? Oui, bonjour à tous. Je suis à la gare Saint-Étienne-Château-Creuse. Est-ce que Sarah est arrivée ? Et son train, je crois, 10 minutes de retard. Et voilà. Ah, voilà. Bon, on les compte, mais elle est en ligne quand même avec nous. Sarah, vous m'entendez ? Oui, bonjour Julien, bonjour à tous. Effectivement, le train a 10 minutes de retard, il n'était pas annoncé. Mais c'est pas bien grave Julien, puisque le chantier est à 5 minutes de la gare. Donc voilà, on va être pour 10 heures, il n'y aura pas de problème. Vous me dites que vous n'êtes qu'à 5 minutes de la gare ? Oui, Julien. Oh my God, c'est énorme. Rendez compte, dans quelques instants, Maître Felonneau, il va y avoir tous les artisans qui seront là et qui vont aider notre Myriam. Bon, vous me faites un point dès que c'est parti. Deuxième chose, la très importante, alors on va lancer les appels, hein, je vous le rappelle pour Jean-Michel, nous continuons à vous récompenser pour avoir fait de cette émission l'émission la plus écoutée de France entre 9h30 et 11h et tout le reste de leur journée en dehors des infos. Donc j'ai envie de vous envoyer à Disneyland Paris. Vous avez bien entendu Disneyland Paris. Vous vivez la magie de la Reine des Neiges. Alors attention, hein, quand ça démarre, après vous l'avez dans la tête pour toute la journée, le délivrer. Allez. Mais qu'on la délivre dans un chien. Au bout d'un moment, vous n'avez qu'une envie, c'est d'intervenir vous-même pour la délivrer, pour la gagner. Pour gagner ce séjour exceptionnel, merci Disney qui va vous faire rêver. 4 personnes, entrée illimitée pour les deux parcs pendant 2 jours. Eh bien, pour gagner ce séjour Disney, croyez-moi, c'est vraiment la magie Disney. Vous répondez à la question suivante. 32-10, alors, dans le film de Walt Disney, Les 101 Dalmatiens, comment s'appelle la méchante? Est-ce Cruella d'enfer ou Fellona d'enfer? Oh non! 32-10, touche numéro 2 pour aller sur le standard jeu. Et ensuite, vous tapez 1 pour donner évidemment la bonne réponse. Ou SMS envoyé RTL au 74-900. Vous allez vivre la magie Disney. Vous serez dans un autre monde avec vos enfants à 4, logés à l'hôtel et les parcs gratuits. C'est parti. Dans une seconde, nous appelons pour ce garage qui ne paie pas et demain, notre auditeur va se faire prendre la somme de 1500 euros si nous n'intervenons pas aujourd'hui. A tout de suite sur RTL. Bonne nouvelle. Pour vos vacances, Costa Croisière décuple votre bonheur. Désormais, avec le tarif Total Confort, le forfait boisson et bien d'autres avantages sont inclus disponibles pour toutes nos croisières. Réservez dès maintenant. Costa, le bonheur à la puissance 2. Pour plus d'informations, consultez votre agence de voyage ou costacroisière.fr. Il y a de l'ambiance chez vous. Vous avez changé la déco, faites une fête, c'est pour quelle occasion? C'est la grande fête, Michel. À partir du 21 juin, Market fête tous ses clients. Oh, c'est sympa, ça! Et oui, et jusqu'au 3 juillet, il va y avoir des promos à gogo, des animations et beaucoup de surprises. Oh, j'aime beaucoup votre programme! Attendez, je vous raconte. Par exemple, dès mardi chez Market. Ah non, ne me dites rien, j'adore les surprises. Carrefour Market, le plein de fraîcheur et d'économie. Modalité, produits et magasins participants sur carrefourmarket.fr. Il y a un spectacle qui amuse beaucoup Vincent au péage des autoroutes. Ce sont les gens qui se tortillent pour chercher leur ticket. Ah, c'est pas facile quand on est assis avec sa ceinture de sécurité. Il y a aussi les gens qui se tortillent pour chercher leur carte bancaire avant de se rendre compte qu'elle est dans leur veste, qu'ils ont mis dans leur coffre pour ne pas qu'elle se froisse. Et là, vous vous dites, il ne doit pas avoir l'air malin, Vincent, quand il cherche son badge télépéage Vinci Autoroute. Eh bien voilà, ça ne risque pas d'arriver parce que le badge Vinci Autoroute, il est collé sur le pare-brise. Et Vincent, il a un pare-brise. Vinci Autoroute, roulons autrement. Disponible en espace client ou sur vinciautoroute.com. Le cahier de vacances des grosses têtes vient de paraître. Pour des vacances énergiques, entre rire et réflexion, c'est le compagnon indispensable de votre été. Au programme, 125 jeux variés inspirés de votre émission préférée, parsemés d'illustrations hilarantes et de blagues désopilantes. Le cahier de vacances des grosses têtes est déjà disponible dans toutes les bonnes librairies aux éditions Michel Lafon, avec RTL. Et si on parlait véhicule d'occasion? Oh désolé, j'étais pris dans les embouteillages avec mon capture d'occasion garantie 3 ans et 3 ans d'entretien inclus. C'est pas grave. J'ai mis 3 heures à venir jusqu'ici. 3 heures, t'imagines? Ça me fait penser, je t'ai dit que j'avais 3 ans d'entretien et 3 ans de garantie avec mon capture d'occasion? Oui, tu m'as dit. Ah ouais? Avec l'offre 3 ans d'entretien plus 3 ans de garantie Renault Occasion, vous allez être fier de votre occasion. Renault Occasion, c'est en étant exigeant qu'on reste numéro 1. Source Argus 2015. Offre réservée aux particuliers pour 1 € de plus sur une sélection de véhicules. Conditions sur renault-occasion.fr. Vous voulez perdre 5, 10, 15, 20 kilos, voire plus? Alors comme j'aime est la solution. Michel, j'ai 46 ans, moi je suis d'accord. Comme j'aime, ça marche. J'ai perdu 16 kilos en 8 mois. Laurent, 36 ans, pour moi aussi ça a marché. J'ai perdu 47 kilos en 10 mois. Laura, 21 ans, je suis étudiante. Moi j'ai perdu 12 kilos en 3 mois. Vous voyez, comme j'aime, ça marche. En ce moment, nous vous offrons un mois gratuit. Oui, un mois gratuit. Appelez comme j'aime au 0800 507 507. 0800 507 507. Appel gratuit depuis un fixe. Vous écoutez le 9h30-11h sur RTL. Et nous resynthétisons à 9h40 car il s'est passé beaucoup de choses. Il y a le voyage Disney, vous le savez, vous êtes en train d'appeler. Il y a Sarah qui se rend sur le chantier de solidarité à la Tous Ensemble que nous organisons pour sauver cette maman et son petit qui vivent dans des conditions indignes. Et puis il y a Jean-Michel. Alors, avant de lancer l'appel, Jean-Michel, on rappelle que ce monsieur a acheté chez un énorme site internet Maître de Comment cette voiture. Et au départ, quand elle est tombée en panne, ils ont refusé disait, enfin, en tout cas, il y a eu une discussion, on lui a dit, non, mais c'est des pièces d'usure. Alors, où commence la pièce d'usure? Parce que là, ça, les auditeurs le demandent souvent. Ouais. Et où ça s'arrête, la notion de pièce d'usure? Bah, effectivement, c'est parfois évident. Un pneu, des plaquettes de frein. Mettez-vous bien en face du micro, prenez une position, si vous voulez, parce que là, vous ne le voyez peut-être pas sur la vidéo. Il est debout, couché sur la table, alors qu'il y a un siège. Il y en a qui jouent du piano debout, moi je joue du micro debout. Non, mais qu'est-ce que vous attendez dans cette position? Parce que personne ne viendra, je vous le dis tout de suite. Je ne vous le dirai pas, ma mère me l'a interdit. D'accord. Mettez-vous bien en face du micro, alors on y va. Donc, Julien, si vous permettez, des plaquettes de frein, des pneumatiques, ce sont des pièces d'usure. Donc, par définition, vous n'avez pas à réclamer, d'autant plus que ça se voit, par exemple, que des pneus sont usés. Injecteur, c'est beaucoup plus discutable parce qu'effectivement, ce sont des pièces qui ne sont pas éternelles. Mais 89 000 km pour un injecteur, c'est pas normal. Donc, même si ça peut s'user dans le temps, on peut parfaitement considérer qu'un injecteur ne doit pas lâcher à 80 000 km. Donc, ce n'est pas une pièce d'usure au même titre que des pneus et il n'y a pas de logique à ce que ça soit en panne appelle, à 80 000 km. Mais ce n'est plus un problème, ils sont d'accord, mais en fait, ça traîne, tout simplement. Voilà, exactement. Ça fait 2 mois quand même qu'il attend le chèque, donc ce garagiste. Donc, il faut faire en sorte qu'il puisse l'encaisser et que ça libère notre auditeur. Nous faisons les mêmes numéros que vous, ça y est, nous appelons là à Toulouse. Et après, s'il le faut, nous remonterons au siège avec vous, Hervé Pouchol. Pour faciliter le suivi de votre dossier, votre appel sera enregistré. Oh, d'accord. Vous allez être mis en relation avec un conseiller. Si vous avez une commande en cours, merci de taper dièse. Oui, tapons dièse. Nous avons une commande en cours. Notre service client est actuellement fermé. Nos conseillers sont à votre écoute du lundi au vendredi de 10h à 18h. Nous l'avons in the baba pour un quart d'heure. De 10h à 18h. Y a-t-il un autre numéro que nous pourrions faire avant 10h, s'il vous plaît? Oui. On peut faire le siège, Julien, si vous voulez. Nous allons appeler le siège tout de suite. Donc, si vous le voulez bien, puisque la concession locale n'ouvre qu'à 10h. Alors, apparemment, il y a du nouveau. Prenez le micro, Germain. Germain qui fait la navette entre le studio et la salle des standards. J'ai testé le numéro avant l'émission et Aramis Auto à Toulouse répondait. Elle ne répond plus maintenant. D'accord. Oui. Voyez, il vient tout penaud pour sauver sa tête. Et il était assez sincère, j'ai tendance à le croire. Cela dit, c'est le service client. Si on demande le service normal, le standard ou je ne sais pas, on devrait, nous, essayer d'avoir la comptabilité en fait, parce que c'est une histoire d'argent pur et simple. D'accord. Il y a un engagement écrit de remboursement. Pourquoi ne vient-il pas? Donc je pense qu'on n'a pas appuyé sur la bonne touche. Dites donc, vous le dites sur un ton, vous avez changé un peu de ton. On a appuyé sur une touche. En plus, on se fait engueuler. C'est énorme. Alors maintenant, il n'y a plus personne. Alors, si vous avez vu comme elle m'a parlé, non mais sans blague. Oh. Oh my God. C'est énorme. Vous ne me parlez plus comme ça, Maître Fellonneau. Alors, on va refaire. Nous faisons comme vous. Vous voyez, on a appelé à 9h30, il y avait quelqu'un. Puis on a appelé à 9h40. Là, il y a un répondeur qui dit c'est à partir de 10h. Puis on a appelé le service client et ça a raccroché. Et maintenant, Marie? Bah, temps d'attente estimé à moins de 10 minutes. Moins de 10 minutes? Bah, c'est bien le dire. C'est pour arriver à 10h, je vous remarquais. Temps d'attente est estimé à moins d'un an. Ah, bah, tant mieux. Oui, Hervé Pouchol. Moi, j'ai temps d'attente limité à une minute. Mais chez qui? Sur une autre ligne. On essaie sur toutes les lignes. Bon, écoutez, on continue et dès qu'il y aura la petite alerte que l'on va vous faire écouter maintenant, c'est la fameuse alerte directe, ça veut dire que quelqu'un répond et on le bascule immédiatement sur l'antenne. Ça, c'est le cas numéro 1, il est lancé. Le cas numéro 2, c'est notre chantier de solidarité. Vous allez voir cette mobilisation incroyable. Ah, ça y est, alerte apparemment. Oui, Marie, vous voulez passer. On a Aramis Auto au téléphone. Bonjour, Aramis Auto Toulouse. Où le siège, Marie? Le Toulouse. Non. Toulouse, bonjour Toulouse. Comment allez-vous? C'est Julien Courbet à l'appareil. Je ne vous dérange pas? Ah non, alors vous êtes pas à Toulouse, monsieur. Mais Courbet. Vous êtes au Service Commercial France. Voilà, c'était les deux que je voulais en fait, et j'attendais voir lequel allait répondre en premier. Monsieur, je vous appelle, car vous allez voir, c'est tout bête, peut-être pouvez-vous me passer la comptabilité. Vous avez vendu une voiture à un monsieur, il y a eu des soucis, bref, vous avez accepté qu'il aille la faire réparer, vous lui avez envoyé une lettre en lui disant « on paie la facture ». Sauf que la facture n'a pas été payée et aujourd'hui le garagiste qui doit réparer est sur le point de prendre la caution à votre client. D'accord, alors là effectivement vous n'êtes pas au bon service, effectivement je vais vous transférer vers le service concerné. Est-ce que je peux juste vous faire patienter 30 secondes? Mais je vous en prie monsieur, j'ai tout le temps, en vous souhaitant une bonne journée à Toulouse, j'attends de vos nouvelles, je reste en ligne. Merci beaucoup. Hervé, vous récupérez. Donc apparemment, nous allons avoir, comme l'a suggéré gentiment Maître Fellonneau tout à l'heure, la comptabilité. Et je reviens donc dans une seconde également sur ce chantier de solidarité où j'ai une liste qui n'en finit plus d'artisans ultra sympas qui vont venir aider une maman et son fils. Alors on va leur les saluer tout à l'heure. Et puis Sarah va nous faire vivre le début du chantier. On va se retrouver dans une seconde sur RTL. N'oubliez pas qu'RTL est la première radio de France. RTL est la seule qui vous aide chaque matin. entre 9h30 et 11h et avec le sourire et les meilleurs experts, réglez vos problèmes et vous rendre la vie plus facile. C'est le défi RTL. Nous nous retrouvons dans une seconde dans le 9h30 11h sur RTL. Question santé, il y a ceux qui pensent que ça n'arrive qu'aux autres. Évidemment, ils se trompent. L'arthrose, par exemple, concerne environ 17% de la population française, mais elle n'est diagnostiquée que dans la moitié des cas. En cas de raideur ou de douleur articulaire, vous souffrez peut-être d'arthrose. En consultant votre médecin sans tarder, vous pouvez bénéficier d'une prise en charge globale efficace de l'arthrose. Plus de renseignements sur arthrolink.com des laboratoires Expanscience. Campagne de détection précoce de l'arthrose avec les laboratoires Expanscience. Je connais Chrysler depuis 15 ans. Après avoir perdu 12 kilos, que je n'ai jamais repris, je me sens toujours en pleine forme avec Chrysler. Depuis 20 ans, les produits Chrysler contribuent aussi à favoriser et à retrouver la santé nutritionnelle, une qualité de vie meilleure. En allant aux informations et dégustations gratuites Chrysler de ma région, j'ai découvert beaucoup d'autres témoignages comme le mien. Appelez le 0800 34 36 38. Appel gratuit depuis un poste fixe. Pour votre santé, bougez plus. Chrysler, j'adore. L'ami de votre silhouette. Pour vos pneus, vous passez des heures à chercher les moins chers. Eh bien Fred, non. Non, moi je suis sûr d'avoir les moins chers. Pour comprendre, revenons un peu en arrière. Là, Fred change ses pneus chez Noroto. Et être détendu avec son budget auto, c'est facile avec Noroto. Tous les pneus sont en permanence au prix les plus bas. Sinon, on vous rembourse la différence. Noroto. Modalité en centre et sur noroto.fr. Venise. Un garçon qui ne parle pas. Qui officiellement n'existe pas. Une mort brutale. Une mère qui se tait, derrière les majestueuses façades des palais vénitiens. Une famille d'aristocrates et un lourd secret. Retrouvez le commissaire Brunetti dans le nouveau roman de Donna Leon, Le garçon qui ne parlait pas. 7,70€, disponible en poche aux éditions Point. En direct avec Stéphane Bern pour commenter l'arrivée du couple princier. Oui Marie, ils viennent juste de prendre place devant une véranda à Kéna. Pardon ? Oui, pas de doute. La qualité de la pose, le sur-mesure, c'est bien une véranda à Kéna. Mais revenons au couple. Isolation et sécurité, vous voulez dire ? Avec Akena, l'un ne va pas sans l'autre. Mais chut, c'est le moment de la photo officielle. C'est l'anniversaire Akena. Rendez-vous sur akenaveranda.com et gagnez la 150 millième véranda. Akena, la reine des vérandas. Quand on est un vin du Val-de-Loire et que l'on voit la vie côté rosé, alors tous les mariages sont acceptés. Cabernet d'Anjou, c'est l'alliance réussie de notre onde et acidulée avec des recettes apéritives aussi bien sucrées que salées. Alors vous aussi variez les saveurs et osez un Cabernet d'Anjou salade de fruits pour voir sa robe rose, framboise, tournoyée ou un Cabernet d'Anjou verrine de saumon pour goûter à ses reflets saumonés. Avec Cabernet d'Anjou, il y en a vraiment pour tous les goûts. Vin du Val-de-Loire, tous les vins sont dans sa nature. Pour votre santé, attention à l'abus d'alcool. Vous écoutez le 9h30, 11h sur RTL. Et pour gagner un séjour Disney, merci RTL. Ça, c'est vraiment les tontons de, les cadeaux de Tonton Georges. Hein. Tonton Georges, ici RTL, est celui qui offre des beaux cadeaux à ses auditeurs. Il vous offre Disneyland Paris, 4 personnes, avec entrée dans les deux parcs pendant 2 jours. 32-10, touche numéro 2 pour arriver sur le standard jeu, puis touche numéro 1 pour donner la bonne réponse ou SMS RTL au 74-900. Vivez la magie Disney avec RTL et avec Aretha Franklin. Pour vous mettre la pêche ce matin, voici I Say a Little Prayer en 68, un standard RTL. Heartbreak for me. Aretha Franklin Say a Little Prayer, extrait du coffret 4 CD Beach Party de George Lang. Aretha Franklin, et attention à 9h52 sur le premier cas, sur le cas de cet auditeur qui nous dit « J'ai acheté une voiture chez Aramis, des gens sérieux, il y a eu un souci, ils m'ont dit « Aucun problème, vous amenez votre voiture chez un garagiste, nous paierons la facture. » Mais là, il y a un souci, la facture n'a pas été payée, donc le garagiste va prendre la caution chez Jean-Michel qui, lui, n'a pas envie, ne peut pas payer la caution, il n'a pas envie qu'on le débite demain. Où en est-on, s'il vous plaît, Hervé Pouchol ? Eh bien, on va franchir une étape dans quelques minutes. J'étais avec le responsable commercial d'Aramis, très sympa, très pro. Et là, il me donne un numéro de téléphone pour que je puisse contacter le directeur commercial que nous aurons en ligne dans quelques minutes. Dès que vous l'avez, vous me faites la petite alerte, s'il vous plaît. Ça nous permet de lancer un deuxième cas. Je vous rappelle que Sarah est actuellement en route, avec 10 minutes de retard, dans son train, pour Saint-Étienne, où aura lieu le chantier de solidarité avec tous les artisans là-bas pour aider une maman et son fils qui vivent dans des conditions très précaires, puisque quelqu'un a pris 18 000 euros pour les petits travaux qu'elle devait faire. Enfin, les petits, elle devait aménager au moins une pièce de base pour pouvoir y vivre avec son fils. Il a pris l'argent, mais il n'a rien fait. En attendant, Marie-Antoinette, voilà ce qu'elle nous a dit sur l'antenne d'RTL, Marie-Antoinette. Je ne touche plus la pension de reversion de mon mari depuis mars 2015. Depuis janvier, j'écris, j'appelle l'organisme, mais rien ne se passe. On me demande toujours les mêmes documents que j'ai déjà renvoyés depuis longtemps. Ah, le grand classique, Marie-Antoinette, bonjour. Bonjour Julien. Le coût du document que l'on demande d'envoyer plusieurs fois pour ne pas avoir à payer, c'est ce que vous nous dites, elle touchait sa pension de reversion. D'ailleurs, Nathalie, en deux mots, what is a reversion pension? Eh bien, c'est une partie de la retraite que le conjoint survivant a le droit de percevoir après le décès, évidemment, de son mari ou de son épouse. Donc, c'est important parce que pour toutes les femmes qui n'ont pas travaillé, ce qui est le cas pour une certaine génération, eh bien, lorsque son époux meurt, on a le droit à toucher une partie de cette retraite, 57% à peu près, je crois. C'est ça, une pension de reversion? Oh my God, c'est énorme! Je ne savais pas. Donc, vous avez rappelé l'organisme et on vous a demandé un complément de documents. Ce que vous avez envoyé, mais à chaque fois, c'est le même refrain, il manque des documents, renvoyez-les-nous. Alors Marie-Antoinette, combien de fois avez-vous renvoyé le même document ? Oh, je l'ai renvoyé, c'est-à-dire que je ne l'ai pas renvoyé souvent, mais je leur ai beaucoup téléphoné. D'accord, alors aujourd'hui, pour être clair, qu'est-ce qu'ils vous disent quand vous les appelez ? Eh bien, ils me répondent que, ben, ma foi, il faudra que j'attende, parce que il y a une commission qui doit passer, et puis que, ben, ma foi, ils ne peuvent rien faire. Et du coup, Marie-Antoinette, vous avez bien sûr, évidemment, enfin, j'ouvre une porte ouverte, besoin de cet argent. Mais bien sûr, et oui. Eh oui. Bon, Marie-Antoinette, nous allons rappeler, si vous le voulez bien. Obtenir la pension de reversion de 724 euros. Vous me faites confiance, Marie-Antoinette, pour me battre pour vous ? Tout à fait. Eh bien, nous allons tout donner, maintenant, et nous allons vous le prouver. Je demande à ce que l'on lance le numéro de la caisse d'assurance retraite. Bienvenue à l'assurance retraite. Vous souhaitez des informations sur vos prélèvements sociaux, CSG, CRDS ? Rendez-vous sur www.l'assurance-retraite.fr dans l'espace assuré. Tiens, notez cette adresse, maître de commande. Ça vous changera des sites que vous consultez. Point sur votre email. Ou à mon avis, il ne doit pas être question vous de pension de reversion. Vous souhaitez obtenir votre attestation de paiement, connaître la date de votre prochain paiement ou le montant et les dates de vos trois derniers paiements, tapez 2. On tape quoi en fait, on ne sait pas. Mise en relation avec un conseiller retraite, tapez 3. Oui, on va prendre ça. Composez le numéro de département de votre résidence. Si vous résidez à l'étranger, composez le code de... Pour la saisie est incorrecte. Pour demander votre retraite ou poser vos questions sur un dossier en cours, tapez 1. Pour mettre à jour votre carrière sans demander dans l'immédiat votre retraite, tapez 2. Pour des informations sur vos paiements, dès lors que votre pension a été payée au moins une fois, tapez 3. Vous souhaitez des renseignements sur les aides au maintien à domicile? Je vais devenir fou, là, je vous le dis tout de suite. Hein. Je dis rien, mais je suis en train de préparer votre le nœud de la corde pour me pendre dans le studio. J'ai des larmes aux yeux. Moins d'une minute. Bon, alors on va attendre moins d'une minute. Pendant ce temps-là, on m'annonce que Sarah est en train d'arriver à la gare, donc nous allons lui donner la parole dans quelques instants, le temps de la rappeler pour qu'elle soit en duplex avec nous. Là, c'est la guitare Manuela que nous écoutons, la guitare électrique, bien sûr. Allô ? La Carsate ? Oui. Ah, super. La Carsate, c'est Julien Courbet à l'appareil. Nous sommes en direct sur la radio RTL. Madame, je fais vite. Je vais vous donner, si vous êtes d'accord, un numéro de secteur, un numéro de sécurité sociale concernant une dame qui n'arrive pas à toucher sa pension de reversion qu'on lui doit, la régularisation. Est-ce que je peux vous donner des renseignements en antenne ? Allô, madame ? Communiquons. Nous sommes deux êtres humains. Nous sommes là pour aider les gens. Allô ? Soyez gentils, parlez-moi. Téléphone-moi, appelle-moi et dis-moi que tu m'aimes. Non, allô, la CARSAT ? La CARSAT ? Je te veux si tu veux de moi. Hein. Je ne sais plus quoi faire. Allô, la CARSAT ? Pouvez-vous me parler ? Oui, juste un instant. Monsieur. Ah, merci, madame. Ah, voilà, là, parfait. Alors, la CARSAT va nous parler. Cette dame est en train de chercher quelqu'un. C'est terrible de ne rien dire. Il vaut mieux dire, je n'ai pas envie de vous parler, etc. Mais vous voyez, je remarque que c'est sur Balavoine. Et je vais le noter sur mes fiches. C'est sur Balavoine que ça a le mieux marché. Sarah, vous venez de descendre du train, mon petit poussin. Et oui, Julien, ça y est, je suis un peu essoufflée parce qu'on se dépêche d'arriver sur le chantier. Alors effectivement, j'avais 10 minutes de retard, mais tout va bien. Dans 5 minutes, comme promis, nous y sommes, Julien. Combien il faut de temps, 5 minutes, pour aller maintenant sur le chantier ? Vraiment 5 minutes, il faut savoir qu'il y a beaucoup de monde apparemment. Même il y a aussi l'ancienne propriétaire de la maison qui a entendu l'histoire de Myriam. Une petite dame de 80 ans qui est venue elle aussi nous encourager sur le chantier, Julien. C'est magnifique. Eh bien tant mieux, et puis profitez de sa présence hein, pour qu'elle puisse lever des parpaings, des poutres. Il faut lui faire faire beaucoup de choses à cette dame parce qu'elle a l'air pleine de bonne volonté. Mais bien sûr, évidemment, quand ça en sort là, les gens prendront un café et lui diront « Vous pouvez déplacer la poutre là-bas s'il vous plaît madame, en tant qu'ancienne propriétaire. » Mais non, et c'est juste fantastique là ce qui est en train de se passer. Les auditeurs d'RTL sont vraiment, vraiment, vraiment les meilleurs et c'est pour ça, je crois, hein, qu'RTL est la première radio de France grâce à Bruno Guillon de Fun Radio qui, je vous le rappelle, d'après trois patrons de radio, aurait fait en sorte que les trois radios se cassent la gueule. Alors, tout est sur le dos de Bruno Guillon, donc c'est juste extraordinaire cette histoire. C'est fantastique. Et là, j'ai juste envie de dire, quand j'entends ça... Oh my God, c'est énorme. Ah là oui, c'est vraiment énorme, parce que j'en ai entendu des couillonnettes dans ma vie, mais alors celle-là, elle est Champions énorme. League, elle est énorme. À tout de suite sur RTL. Bon, prenons un élève qui entre en terminale S, si l'on considère qu'il est en pleine forme pour la rentrée, mais qu'en parallèle, il a peur d'avoir tout oublié en maths pendant les vacances. Comment faire pour qu'il retrouve sa motivation et ses connaissances ? Vous avez 20 secondes. Avec Acadomia, la réponse est facile. Votre enfant peut faire un stage de pré-rentrée dans un des 110 centres Acadomia en France auprès d'enseignants motivants et certifiés. Une semaine de cours adaptée pour aborder la rentrée bien préparée. Renseignez-vous dès maintenant sur acadomia.fr au 0810 10 15 20, prix d'un appel local. Salut vieille branche. Bah, qu'est-ce que tu fais? Je me muscle pour pouvoir soulever tous les sacs de granulés de bois que l'on va me livrer. Mais tu sais pas que Total te livre tes pelets pile dans ton garage? Pile là où je les empile? Mais oui, et je dirais même plus, pile poil. Oh, ça va mieux. Eh oui, Total s'engage à vous livrer vos pelets jusqu'à votre lieu de stockage. Total Pelet Premium, des granulés de bois sélectionnés avec soin par Total pour une combustion optimale. Commandez-les sur masolutionpelet.com. L'énergie est notre avenir, économisons-la. Leclerc. Maman, la lessive liquide extra s'est vendue en pack de 3 maintenant. Oui, chez Leclerc. Mais sur 3 flacons, t'en as un gratuit. En plus, ce pack est un produit partenaire du jeu La Ligue des Supporters. Et pour 3 produits partenaires achetés, une carte à gratter pour tenter de gagner un sac de sport. Ah, oh, c'est cool. C'est parce qu'il y a des produits dont on ne peut pas se passer que du 15 au 25 juin chez Leclerc, le pack de 3 flacons de lessive liquide extra 43 lavages, variété au choix, est à 11,95€ le lot, soit 1,32€ le litre. Voir modalité dans les magasins participants. Produits dangereux et irritants, respectez les précautions d'emploi. Un jeu qui fait le linge plus propre et moins cher, c'est top. Mesdames et messieurs, vous écoutez RTL. Nous avons dans une seconde l'histoire de la voiture, l'histoire du chantier, l'histoire de la caisse d'assurance qui arrive. Vous écoutez RTL. Poussin, je vais au garage AD. Ok, à tout de suite. Alors, AD.fr, devis en ligne. Eh oui. Plus besoin de sortir pour aller chez AD. Sur AD.fr, faites votre devis et prenez rendez-vous pour toutes les prestations auto et toutes les marques de véhicules. Avec AD, préparez la route de l'été. AD. 2000 garages, carrosserie et devis en ligne. RTL, 10h01. L'information sur RTL, c'est avec Olivia Loret. Bonjour Olivia. Bonjour Julien, bonjour à tous. Certains diront vivement dimanche pour le match, mais déjà vivement mercredi. C'est au plus tard ce jour-là que nous connaîtrons l'adversaire des Bleus en huitième de finale de l'Euro de football. Ce sera dimanche à Lyon. Hier, l'équipe de France a fait match nul contre la Suisse 0-0, mais termine bien premier de sa poule. Les matchs de ce soir, Russie, Pays de Galles et Slovaquie-Angleterre à suivre en direct évidemment dans RTL, grand soir d'Euro. Nous ne sommes plus qu'à 3 jours du référendum, vote crucial sur le maintien du Royaume-Uni au sein de l'Union européenne. La campagne pour ou contre le Brexit avait été suspendue après le meurtre de la députée travailliste pro-européenne Jo Cox. Elle a repris. En Italie, résultat du second tour des élections municipales, le mouvement 5 étoiles s'empare de deux grandes villes, Rome et Turin. C'est un revers pour le parti démocrate du chef du gouvernement Matteo Renzi. Dans la capitale, Virginia Raggi est triomphalement élue. Une femme maire, c'est une première dans l'histoire de la ville. Le référendum sur Notre-Dame-des-Landes aura-t-il bien lieu dimanche? Les principaux opposants au projet d'aéroport en demandent l'annulation. C'est au Conseil d'État d'en décider. Premier examen du cas aujourd'hui. Le suivant, ce sera mercredi. Attention, si vous êtes du côté de Nantes, justement, il va falloir vous organiser. Pas de tram et peu de bus ce matin. Le personnel de la Semitane a exercé son droit de retrait. Et cela après l'agression d'un conducteur de tram samedi soir. Solar Impulse 2 a quitté New York, direction Séville, après sa traversée de l'Atlantique. Cela devrait durer 4 jours. C'est l'étape la plus longue du tour du monde de cet avion solaire. Je vous rappelle que le pilote suisse Bertrand Piccard est seul aux commandes. La bourse de Paris ouvre en forte hausse, plus 2,56%. L'indice CAC 40 est à 4301 points. Les courses ont lieu aujourd'hui à Vichy. Les pronostics de Bernard Glass. Attention, le 9 est non partant. Le 16, le 18, le 4, le 15, le 8, le 5, le 11 et le 12. Dernière minute, le 18. Le temps gris et pluvieux dans le nord-ouest, ensoleillé sur les bords de la Méditerranée. Les températures 15 à Beauvais, 16 à Cherbourg, 17 à Paris, 18 à Brest, 21 à Dijon, 24 à Marseille et 28 à Montpellier. Vous êtes sur RTL, il est 10h04. Tout de suite, ça peut vous arriver avec vous, Julien Courbet. Merci Olivia Loret. I've heard people say... Et à tout à l'heure. 11h. Ben, au revoir. Elle est partie. Elle est plus là. C'est-à-dire que maintenant, j'ai pris le plus gros vent de l'histoire, c'est-à-dire qu'elle a dit au revoir. Excusez-moi, Julien, au revoir. Non, mais c'est pas grave. C'est, non, vous m'avez, là, j'ai pris un vent, là, c'est, je pense que c'est définitivement terminé. Donc, à tout à l'heure quand même, et moi-même, je ne lancerai pas les infos tout à l'heure en rébellion, puisque je suis traité comme ça, c'est vous qui les lancerez, Maître Félonneau. Voilà. Ah, le ton va changer maintenant. On veut pas de moi. Parfait. Continuons. Jean-Michel est en ligne avec nous. Jean-Michel, bonjour. Bonjour. Pour la deuxième fois, car nous nous parlons depuis maintenant une demi-heure. Jean-Michel, je rappelle que vous nous avez dit ceci sur l'antenne d'RTL. J'achète une voiture que je paye 15 000 euros sur un site. Après plusieurs refus, le professionnel prend enfin en charge les réparations de ma voiture tombée en panne. Le véhicule a été réparé ailleurs avec l'accord du même professionnel. Cela fait près de 2 mois qu'il n'a toujours pas réglé les 1 500 euros de réparation. Et aujourd'hui, il est très inquiet Jean-Michel, car on doit lui prendre la caution. Du coup, nous avons appelé d'abord Porthos, Athos, D'Artagnan, et finalement nous sommes tombés sur Aramis à Toulouse, qui est une personne charmante d'ailleurs, Hervé Pouchol. Et puis là, nous avons le directeur commercial du service client, qui s'appelle Monsieur Lafarge, qui est en ligne, Julien. Monsieur Lafarge, bonjour, soyez le bienvenu en direct sur l'antenne d'RTL. Est-ce que vous pouvez aider Jean-Michel ? Bonjour messieurs. Oui, absolument, puisque je viens d'être informé là de ce qui s'est passé avec Monsieur Alentieff. En fait, c'est très simple. On n'a pas d'excuses, hein, mais plutôt des explications à vous donner. Donc pour nous, il n'y avait pas de débat. Hein. Votre BMW, on prend en charge les travaux. Donc il n'y a pas de discussion de toute façon sur le sujet. Simplement, on n'avait tout simplement pas enregistré la facture du garage, ce qui signifie que le virement n'a pas été fait au moment où je vous parle. On vient d'avoir le RIB du garage. Là, j'ai mon collègue à côté de moi qui vient de contacter le garage qui est à la Beige, hein, je crois, c'est ça ? Oui. La BMW. Et ça signifie quoi ? Ça signifie que dès cet après-midi, le virement sera parti auprès du garage. Donc, vous n'aurez pas votre caution qui sera débitée. Vous pourrez récupérer votre véhicule et la caution directement. Vous avez entendu Jean-Michel ? Oui, oui. Voilà, bien. Tout est bien qui finit bien grâce à Aramis qui a tout de suite, il faut le dire, réagi. Oui. Et vous voyez, en quelques minutes seulement, le problème a été réglé. Ça vous convient, Jean-Michel ? Impeccable. Est-ce que je peux te dire juste un mot, Julien ? Je vous en prie, Jean-Michel. Heureusement que vous êtes là malgré tout, parce que sinon, je me heurtais à un mur. Non, mais Jean-Michel, il y avait un petit problème de communication, comme ça arrive. C'est tous les matins. Tous les matins, c'est ça, notre émission. C'est des gens qui passent parce que, justement, à un moment donné, la machine est grippée et bloquée. Mais c'est pas pour autant. Après, il y a des gens qui ne font rien. Et puis, il y a ceux qui font. Et Aramis fait partie de ceux qui font et qui font vite. Voilà, Jean-Michel. Mais encore une fois, quand il y a un blocage, il y a un blocage. Sinon, l'émission n'existerait pas. Soyons positifs. Tournons-nous vers l'avenir. Et nous avons résolu ce problème grâce à Aramis. Allez, Jean-Michel, bonne journée. Oui. Merci beaucoup à vous. Oui. Je vous en prie, il y a une alerte. Laquelle ? Pour Marie-Antoinette, la CARSAT, Julien, en fait, la première qu'on a appelée n'était pas la bonne. On est à Marseille et on vient de nous répondre. Très bien. Alors, la CARSAT ? Oui. Bonjour, la CARSAT, Julien Courbet à l'appareil. Comment allez-vous ? Je vais bien, très bien, merci. J'adore votre accent. Quel est votre prénom, madame ? Dalila. Alors, Dalila, je sais que vous allez pouvoir m'aider. Marie-Antoinette nous a appelé tout à l'heure sur l'antenne d'RTL. Et elle nous explique qu'elle n'arrive pas à toucher sa pension de reversion. Maître Fellonneau, voulez-vous en dire un petit peu plus à mon amie Dalila ? Eh bien, comme toutes les veuves non remariées qui ne vivent pas en concubinage et qui ne vivent pas non plus avec sous le régime du PACS, elle a le droit à une partie de la retraite de son défunt mari. Et elle n'arrive pas à l'obtenir depuis le mois de mars 2015. Et là, évidemment, elle n'arrive plus à vivre et donc elle s'inquiète malgré tous ses courriers. Voilà Dalila. Son numéro de sécurité sociale. Je vais vous donner ça Dalila hors antenne si vous le voulez bien pour que tout le monde ne l'entende pas, d'accord ? À tout de suite Dalila, merci beaucoup. Marie, vous donnez le numéro à Dalila et je la retrouve dans une seconde pour avancer dans ce dossier. Allez, une petite pause et nous allons commencer aussi notre duplex sur ce chantier de solidarité. Tous ensemble, nous aidons ce matin une maman et un enfant. Les artisans sont là. Sarah va prendre la parole dans quelques instants. Beach Party, le volume 2 de la compilation des années 60. George Lang. Beach Party, la plage, le soleil, le surf, les palmiers, les voitures, les vacances, comme en Californie dans les Good Old 60s. Revivez l'ambiance de l'émission Beach Party sur RTL dans le luxueux coffret Beach Party volume 2, 4 CD, 116 titres. Le meilleur des années 60, programmé par la voix légendaire des nuits sur RTL. Et voici venu le temps des vacances. Après un an de labeur, les Français savourent enfin un repos bien mérité. Cet été, près de 60% des Français ne partiront pas en vacances. Pour célébrer les 80 ans des congés payés, Campéol défend le droit des vacances pour tous. Réservez votre séjour avant le 1er août. Campéol offrira un séjour équivalent à une famille suivie par le Secours Populaire ou Avenir Social. Campéol, plus de 80 destinations d'exception à découvrir sur campéol.com ou en composant gratuitement le 3004. L'esprit du camping, c'est Campéol. En direct avec Stéphane Bern pour commenter l'arrivée du couple princier. Oui Marie, ils viennent juste de prendre place devant une véranda à Kéna. Pardon ? Oui, pas de doute. La qualité de la pose, le sur-mesure, c'est bien une véranda Akena. Mais revenons au couple. Isolation et sécurité, vous voulez dire ? Avec Akena, l'un ne va pas sans l'autre. Mais chut, c'est le moment de la photo officielle. C'est l'anniversaire Akena. Rendez-vous sur akenaveranda.com et gagnez la 150 000e véranda. Akena, la reine des vérandas. Vous écoutez le 9h30-11h sur RTL. Il est 10h10 et nous allons reprendre la parole avec Dalila pour le problème de la caisse de retraite. Vous êtes là, Dalila ? Alors, elle est en ligne actuellement avec Hervé Pouchol et avec notre auditrice Marie-Antoinette et ils sont en train de négocier. Vous pouvez me la passer, s'il vous plaît, Hervé Pouchol ? Hervé ! Ah pardon, excusez-moi de vous avoir réveillé qui n'entendait c'est rien. C'est pas ça parce que je vous en prie, mais attendez, rassurez-vous. Vous pouvez me. Le pire c'est qu'il sait vraiment. Je vous assure, Maître Fellonneau. Est-ce que j'ai menti quand je l'ai réveillé comme ça? Mais c'est qu'il était appuyé sur le coude, mais c'est peut-être. Il était. Le coude, vous savez, avec le téléphone en train, il faut le dire, s'emmerder comme jamais je n'ai vu quelqu'un s'emmerder. Et là, je l'ai appelé, il n'a rien entendu, donc j'étais obligé de crier. Il a sursauté, un truc de dingue. Oui. Il m'a passé les paroles, Sébastien. C'est pour ça. Alors, est-ce que vous les passer en ligne avec la CARSA, donc la caisse d'assurance retraite, de la santé du travail avec Marie-Antoinette. Donc il y a une conversation à trois, c'est pour ça que j'étais concentré dans la conversation. D'accord. Donc pour l'instant, laissez-moi quelques minutes pour qu'on puisse avancer sur le dossier. Là, c'est de la musique, il n'y a personne. Alors là, elle a mis un peu de musique pour détendre un peu l'atmosphère, parce que vous nous avez un peu stressé, mais là, je vais reprendre. C'est moi qui l'ai mis la musique. C'est votre fête ce matin, écoutez, je pense qu'il est grand temps que nous prenions quelques jours de repos, parce que là, on arrive au bout du bout du bout du bout de la logique. Mais on se bat et nous allons au bout des dossiers. Chantier de solidarité, vraiment une histoire magnifique. Alors, une histoire qui démarre mal, mais les histoires magnifiques sont souvent celles qui démarrent mal, puisque Myriam a acheté une maison le 6 août 2015. C'est le rêve de sa vie, ainsi que de son fils de 7 ans. Elle fait faire des travaux de rénovation par un artisan, le mari d'une amie. Le total des travaux s'élève à 18 000 euros, plus une rallonge de 1 200 euros. Malfaçon, et la maison est vraiment inhabitable. Il y a eu des photos, je ne sais pas si elles ont été réactualisées, qui ont été postées sur Facebook. Vous voyez dans quelle pièce vit maintenant cette maman avec son fils. Ça fait 6 mois que ça dure, et donc nous avons décidé de l'aider. Alors Sarah a lancé un appel sur l'antenne d'RTL pour que des artisans, puisqu'elle a plus de sous, elle a tout donné. Et on rappelle aussi que Michael, l'USMA, lui l'artisan, on n'arrête pas de l'appeler, il ne répond jamais, ni son épouse Aurélie, l'USMA. Et Sarah, vous êtes sur place, donc l'objectif c'est d'arriver à faire un logement un peu décent, au moins une pièce ou deux, pour que cette maman arrête de vivre dans ce qui... On a l'impression que c'est un garage en fait. C'est tout à fait ça, Julien. On dirait un garage. Je suis sur les lieux. C'est impressionnant. Il y a vraiment tout le monde, les artisans, les bénévoles. Il faut savoir qu'effectivement, la maison est une maison de 80 mètres carrés. Donc, ça va se faire assez rapidement. Je tiens à remercier vraiment la société Agi Démolition qui a préparé la maison ces derniers jours. Ils ont enlevé les gravats, les fenêtres, les portes. Elle est dénudée, cette maison. Et les artisans ont commencé à s'activer au moment où je vous parle. Il y a la société d'électricité dont je vais vous donner le nom tout à l'heure, mais on peut les retrouver sur le Facebook de l'émission, qui sont déjà en train de travailler au moment où je vous parle, Julien. Alors, on va faire un olé d'honneur pour tous les artisans. Il y a donc Agi Démolition à Saint-Étienne. Ouais, c'est Momo, il a tout fait et il l'a fait bénévolement. Bravo à Agi Démolition à Saint-Étienne. L'électricité, Arélec, la tour en Jarez avec Maximilien. Ouais. Eux, ils vont faire l'électricité, la plomberie, Abaked, Lyon, alors A-B-A-C-A-I-D-E, Abaked, Lyon avec Antoine. Ouais. Le carreleur, AB Carrelage, c'est Mouldi. Ouais. L'architecte, le studio Tracé Saint-Étienne, Geoffrey Di Francesco. Ouais. Le mobilier de cuisine, Design Home, Joseph Michelli. Ouais. Fenêtre, volet, porte, E2F, Fer, Félix. Ouais. Le carrelage, du bœuf carrelage. Ouais. Matériaux de construction, bricolé pot. Ouais. Et mobilier de salle de bain, Tessier Hervé. Ouais. Voilà, mesdames et messieurs, il faut nommer tous ces gens-là parce qu'ils vont prendre de leur temps de travail pour venir aider une personne qui en a besoin. Et ça, c'est fantastique de pouvoir montrer ça. C'est ce qu'on montrait dans l'émission Tous Ensemble. Et il faut qu'on continue comme ça à aider ceux qui en ont besoin. Ça fait partie des dernières valeurs. Et les fournitures, je le rappelle. Hein, donc, c'est vraiment... tout cadeau, tout donné, et on se réjouit pour Myriam, qui avait tellement investi, comme si elle avait jeté l'argent par les fenêtres. Alors, c'est briques au dépôt, les matériaux de construction. Merci beaucoup. Allez, vous continuez, Sarah. Dès que ça s'active un peu, j'aimerais bien parler à l'un d'entre eux tout à l'heure. Vous me préparez ça. Juste une chose, Julien, pour vous et pour RTL. Oui, mais alors nous, on n'a rien bu, donc il était sobre, le nôtre. Mais de votre côté, j'ai l'impression que vous êtes déjà bien chaud tous là-bas. Ah oui. Bravo. On est heureux, c'est la fête, à vrai dire. Mais bravo à tous ces artisans. Je suis tellement fier et tellement heureux pour cette dame qui va prendre la parole dans quelques instants. Je vais redonner. Elle est là, Myriam, à côté de vous? Elle est là, je vous la passe tout de suite, Julien. Myriam. Myriam, c'est fantastique de voir autant de monde qui... Ah, elle a raccroché, joie, Myriam. Décidément, j'ai un truc avec les femmes ce matin. C'est entre la journaliste qui me basse quand je lui fais une déclaration d'amour, ma propre journaliste de mon équipe qui me raccroche au nez, j'ai perdu toute autorité. Alors, il ne me reste qu'une chose, ce sont les auditeurs que je récompense tout de suite. Oui. Voilà, parce que sans vous, je ne serais rien. Donc, pour avoir fait de cette émission la première émission de France, je vous envoie, grâce à Tonton Georges, à Disney, où vous allez partir à 4 loger avec les invitations pour les deux parcs, 32-10, touche numéro 2 pour arriver au standard jeu, puis touche numéro 1 pour donner la bonne réponse, ou bien SMS RTL au 74-900. A tout de suite. RTL. Bonne nouvelle. Pour vos vacances, Costa Croisière décuple votre bonheur. Désormais, avec le tarif Total Confort, le forfait boisson et bien d'autres avantages sont inclus et disponibles pour toutes nos croisières. Réservez dès maintenant. Costa, le bonheur à la puissance 2. Pour plus d'informations, consultez votre agence de voyage ou costacroisière.fr. Ne laissez pas quelques petites rides gâcher votre joli sourire. En ce moment, en magasin, vous êtes satisfaite ou remboursée sur une sélection de produits anti-rides Nivea Q10. Et ça, ça vaut bien un petit sourire, non? Offre soumise à condition sur les produits Nivea Q10 porteurs de l'offre dans la limite des stocks disponibles. Modalité complète sur Nivea.fr. L'Euro 2016, c'est aussi sur TMC. Dernier match de poule de l'équipe d'Angleterre. Emmené par Wayne Rooney, les Anglais affrontent la Slovaquie. Slovaquie-Angleterre, ce soir à 20h50 en direct sur TMC. Coucou! Comment fais-tu pour être toujours en forme? Chrislor, c'est une alimentation équilibrée fabriquée en France et d'origine naturelle. C'est un repas? Oui! En plus, tu as un suivi personnalisé par un conseiller Chrislor près de chez toi. Appelle le 0800 34 36 38. Appel gratuit depuis un poste fixe. Pour votre santé, limitez les aliments gras, salés, sucrés. Chrislor, j'adore! L'ami de votre silhouette! Salut vieille branche! Bah, qu'est-ce que tu fais? Je me muscle pour pouvoir soulever tous les sacs de granulés de bois que l'on va me livrer. Bah, tu sais pas que Total te livre tes pelets pile dans ton garage? Pile là où je les empile? Mais oui, et je dirais même plus, pile poil! Ah, ça va mieux. Eh oui, Total s'engage à vous livrer vos pellets jusqu'à votre lieu de stockage. Total Pellets Premium, des granulés de bois sélectionnés avec soin par Total pour une combustion optimale. Commandez-les sur masolutionpellets.com. L'énergie est notre avenir, économisons-la. Carrefour Market fête ses clients. Il y a de l'ambiance chez vous. Vous avez changé la déco, faites une fête, c'est pour quelle occasion? C'est la grande fête, Michel. À partir du 21 juin, Market fête tous ses clients. Oh, c'est sympa ça. Et oui, et jusqu'au 3 juillet, il va y avoir des promos à gogo, des animations et beaucoup de surprises. Oh, j'aime beaucoup votre programme. Attendez, je vous raconte. Par exemple, dès mardi chez Market. Ah non, ne me dites rien, j'adore les surprises. Carrefour Market, le plein de fraîcheur et d'économie. Modalité, produits et magasins participants sur carrefourmarket.fr. Vous écoutez le 9h30, 11h sur RTL. Le chantier de la solidarité RTL avec Sarah sur place pour aider cette maman et son fils. Est-ce qu'on a quelqu'un en ligne? Eh bien, Sarah vient de me communiquer plein de numéros de téléphone, Julien, des artisans. Allez. Et donc, j'essaye tout de suite d'en appeler une. Une? Pourquoi une? Parce que c'est une femme qui travaille pour les carrelages du bœuf. D'accord. Ça sonne. Alors, nous allons la voir sur mon téléphone. Donc ça, c'est des gens qui sont sur place. Est-ce qu'on a quelqu'un qui répond? Ça ne répond pas. Bon, je relance l'appel, Julien. C'est pas grave. Le chantier de solidarité pour avoir un téléphone qui marche, par contre, lui n'a pas démarré. Parce que pour avoir quelqu'un, c'est quand même la croix et la bannière. Alors, normalement, elle va répondre. Mais si elle est en train de bosser, elle est prévenue qu'on va l'appeler? Ah oui, je viens de l'avoir en ligne. D'accord. Mais voyez, elle est tellement contente que je lui parle qu'elle ne va même pas répondre. C'est votre journée, hein? On dit quand même merci à Dubœuf Carrelage. Allez, dès qu'on a quelqu'un en ligne, vous nous le passez. Nous allons avancer maintenant sur la caisse de sécurité, la caisse de reversion. Où en est-on, Hervé Pouchol, s'il vous plaît? Écoutez, j'ai du nouveau à vous annoncer après notre conversation à Troyes avec Marie-Antoinette et quelques olés, parce qu'au bout d'un moment, la dame se demandait ce que je faisais. Ah oui, c'est vrai. J'ai quand même réussi à comprendre un petit peu ce qui se passait. Le dossier est en instruction. J'ai eu le responsable du dossier. Il me demande une vingtaine de minutes pour nous donner des informations précises. Ce que je peux vous dire, ce qui a ralenti, eh bien c'est sa non-réponse au questionnaire de pension de reversion dans les temps. Et donc, comme elle a répondu un petit peu en retard, eh bien ça a ralenti. Donc là, dans quelques minutes, dans 20 minutes, on aura du nouveau. Est-ce qu'elle est en ligne avec nous? Bien sûr. Marie-Antoinette, vous aviez tardé à répondre? S'il vous plaît, je n'ai pas compris. Je vous en prie, Marie-Antoinette. Aviez-vous tardé à répondre au questionnaire? C'est-à-dire que je ne l'ai pas eu, ce questionnaire. Voilà, donc Hervé, donc vous dites à cette dame qu'elle ne l'a pas eu. Voilà, c'est pour ça. Alors, parce que c'est toujours facile de dire que les gens ont mal répondu, peut-être qu'elle ne l'a jamais eu aussi. Parce voilà, que je connais. Quand j'ai fait un changement d'adresse, est-ce qu'il y a eu? Je n'en sais rien. Ah, ça, c'est à mon avis, c'est plutôt la bonne piste, le changement d'adresse. Parce que je ne vois pas quelqu'un qui veut sa pension de reversion qui ne répondrait pas à un questionnaire, sachant que. Bien sûr. Bon, eh bien, en tout cas, ça avance, Marie-Antoinette. Dans 20 minutes, j'aurai une réponse. Vous pourrez tenir jusque-là? Bien sûr, pas Allez, de problème. Allez, à tout de suite. Merci, et on va continuer. Il y a des cas express qui arrivent avec vous. Des cas automobiles, mon cher maître de Caumont. Oui, c'est moi, ça. Voilà. Et il a embrassé un flic, Renaud, vous le c'est savez. C'est vrai? Ah oui. Le voir grand, moi. Des millions entre républiques et nations, protestants et catholiques, musulmans, juifs et laïcs, sous le regard bienveillant de quelques milliers de flics solidaires avec ceux de Charlie. Et puis j'ai vu défiler quelques bandits notoires, présidents, sous-ministres et petits rois sans gloire. Et j'ai vu, le long du trottoir, un flic qui avait l'air sympathique. Alors je l'ai approché et j'ai embrassé un flic. J'ai embrassé un flic entre nation et république. J'ai embrassé un flic, ça change des coups de trique. J'aurais pas cru, il y a 30 ans, qu'au lieu de leur balancer des pavés à tour de bras, j'en serrerais un contre moi. Car je me suis approché. Oui, je me suis approché. Et j'ai embrassé un flic. Vers la nation fraternelle et pacifique, sous le regard bienveillant de quelques milliers de flics. Et les snipers sur les toits nous faisaient avec leurs bras de grands signes d'amitié et de solidarité. Alors pour les remercier, et pour la première fois de ma vie d'anarchiste, je suis allé embrasser un flic. Oui, je me suis approché. c'est un flic. 10h22, notre chantier de solidarité. Vanessa est une bénévole qui a décidé de venir aider cette maman et son fils. Ils sont plein de bénévoles là-bas et j'ai décidé de donner la parole comme ça aléatoirement à Vanessa. Vanessa, bonjour. Bonjour Julien. Alors Vanessa, vous travaillez chez Dubœuf Carrelage. Tout à fait Julien. Et que va faire Dubœuf Carrelage dans ce chantier ? Va fournir tout le matériel nécessaire au niveau carrelage, faïence, pour que cette maman sorte de cet enfer. Et Vanessa, vous qui êtes sur place, parce qu'on a toujours tendance, nous, soit à exagérer quand on n'y est pas, soit les gens pensent qu'on en rajoute. Est-ce que c'est vraiment habitable là où vous vous trouvez ? Non. Voilà. Non, c'est vide, Julien. Il n'y a plus que les murs. Un escalier seul au milieu de ces quatre murs. Voilà. Bien, reste, merci. Bien, bravo. C'est Monsieur Dubœuf, le patron ? Pas tout à fait. Ah bon, je pensais que c'était son nom. C'était un Dubœuf, d'accord. Vous, en tout cas, merci à vous, Vanessa. Bravo. Et merci à Joseph, à Geoffrey, Maximilien, Antoine, Mouldi. On va mettre une photo tout à l'heure en ligne sur le Facebook, sur la page Ça peut vous arriver. Elle est déjà en ligne où vous voyez tous les bénévoles qui sont venus aider une maman et son fils. Et c'est formidable que l'on puisse faire ça. Et ça, c'est l'ADN d'RTL. Quand on merci se fait vous, planter, tout le monde dit merci à vous. Non, c'est à vous. Nous allons reparler voiture. Si vous le voulez bien, on redonne la parole à Sarah. Alors, Sarah, ça s'active là ? On en est où en fait ? Les travaux ont commencé ? Oui Julien, les travaux d'électricité ont commencé. D'autres artisans se sont rendus chez Brico Dépôt ce matin pour récupérer l'ensemble des matériaux. C'est assez impressionnant, c'est le début du chantier et c'est vraiment prometteur Julien. Je vais monter à l'étage constater un petit peu, mais vous entendez déjà le bruit en fait des travaux. Donc je monte à l'étage pour vérifier aussi ce qui s'y passe. Mais en fait ce sont vraiment les travaux d'électricité qui ont commencé après que les démolisseurs effectivement aient vidé la maison. Et c'est impressionnant Julien, c'est comme sur les photos, il n'y a vraiment plus rien. On peut pas y vivre, c'est même extrêmement dangereux puisqu'il y a des ouvertures de part et d'autre. Mais effectivement, ils sont déjà en train de s'atteler et de travailler. Super, merci Sarah, à tout à l'heure. Un cas express auto, maître de Caumont, j'espère qu'il va vous inspirer. Nous avons Gali qui nous dira qu'il a acheté une voiture le 25 mai dans un garage. Il n'y a toujours pas la carte grise et Dieu sait que vous nous avez dit à plusieurs reprises, je ne donne pas le chèque si je n'ai pas vu la carte grise ou si je ne l'ai pas dans la main. Eh bien, il vient de découvrir, après l'avoir acheté, qu'est-ce qu'il a découvert ? Qu'elle était gagée, cette voilà. voiture. Voilà. Donc, il est dans la mouise. Il est embêté. Bien. Il est A, dans la mouise, B, il est dans le baba, ou C, qu'est-ce qu'on pourrait dire d'autre ? Il est embêté. Eh ben voilà, il est embêté. A tout de suite, mais attention, nous n'avons pas encore dit notre dernier mot, nous sommes là pour vous aider. RTL, Disney, ça vous branche ? N'oubliez pas, 3210, touche numéro 2, puis touche numéro 1, ou SMS, RTL au 74-900, séjour Disney, la magie Disney, c'est merveilleux. Quand vous allez là-bas, franchement, vous oubliez tout, parce que vous êtes dans un autre monde, sur une autre planète. Et c'est le cadeau de Tonton Georges ce matin. Vous allez où, vous, pour changer vos pneus ? Sur Internet ou chez un pro ? Moi, je vais sur Internet et chez un pro. Et hop, popgum.fr. Sur popgum.fr, je choisis mes pneus parmi les grandes marques, je paye tout en ligne et je prends rendez-vous chez un pro pour le montage. Et hop, popgum.fr. Mon petit truc en plus, cliquez sur promo pneus et profitez des pneus à prix canon. Popgum.fr, le spécialiste du pneu de marque à prix Internet. Popgum.fr. Simplifiez-vous le pneu. Schnorr, pas de collet Picardie, ça existe plus. Les Hauts-de-France, hein? Donc il n'y a plus de ch'ti, plus de piquère, plus de chobello. Ah, maintenant on s'appelle les Hautains et les Hautaines. Ah ben, mais je m'appelle Danny Deboune des Hauts-de-France alors. On va de Dios. Danny Deboune des Hauts-de-France à l'Olympia à partir du 9 novembre et en tournée dans toutes les nouvelles régions de France. Ne m'appelez plus jamais Bilout, Schnorr, pas de collet. Il m'a laissé tromper. En partenariat avec RTL. Monsieur pas compris, apostrophe monsieur Papillon. À quoi ça sert de trier les petites bouteilles en plastique ? Elles sont si petites, s'interroge-t-il. Monsieur Papillon rétorque. Comprenez donc, monsieur pas compris, qu'il faut trier toutes les bouteilles, les petites et les grandes, car elles sont toutes pleines d'avenir, nom de nom. Bien triées, elles seront recyclées et serviront à fabriquer de nouvelles bouteilles, des oreillers, des couettes et même des ours en peluche. Compris, monsieur pas compris ? Compris. Vous voulez savoir comment ? Allez sur ecoemballage.fr. Carrefour. Maman, Tristan a encore bu tout le jus d'orange. Mais non, c'est Franck. Et il n'y a pas que moi qu'on boit ici. Hein. Bon, j'ai une solution qui va arranger tout le monde. Dès demain et jusqu'au 27 juin, on a 50% d'économie sur la carte Carrefour sur de nombreux produits, comme le jus d'orange Tropicana, par exemple. Eh ben parfait. Comme ça, chacun sa bouteille. Du 21 au 27 juin dans vos hypermarchés Carrefour, profitez de 50% d'économie sur la carte Carrefour sur de nombreux produits, comme par exemple sur le jus d'orange Tropicana. 4 fois 1,5 litre, modalité sur carrefour.fr. Pour votre santé, bougez plus. Carrefour. Disney et Pixar présentent... Le monde de Dory. Retrouvez Dory, Marin et Nemo. Dory ! Bonjour, j'ai perdu ma famille. Où les as-tu vus pour la dernière fois ? J'ai oublié. Dans une aventure inoubliable que Dory va sans doute oublier. Je me suis souvenu de quelque chose. Il était question d'un crabe ou... Non, d'une huître. Non. Un truc ? Non plus. Le monde de Dory, le 22 juin au cinéma, avec RTL. Et si on parlait véhicule d'occasion ? Désolée, j'ai dû chercher une place pour garer ma Clio d'occasion, garantie 3 ans et 3 ans d'entretien inclus. T'inquiète. J'ai eu l'impression que ça prenait 3 heures. 3 heures ! À propos, je t'ai dit que j'avais 3 ans d'entretien et 3 ans de garantie avec ma Clio d'occasion. Ouais, tu m'as dit, ouais. Avec l'offre 3 ans d'entretien plus 3 ans de garantie Renault Occasion, vous allez être fiers de votre occasion. Renault Occasion, c'est en étant exigeant qu'on reste numéro 1. Source Argus 2015, offre réservée aux particuliers pour 1€ de plus sur une sélection de véhicules. Conditions sur Renault-Occasion.fr. Vous avez un problème ? Vous avez besoin de RTL ? C'est le cas express. Faites le 3210 et on vous aide en direct. Gali, soyez le bienvenu sur RTL. À quelle heure avez-vous appelé, Gali ? À 9h33. À 9h33, et le voici à 10h28 sur l'antenne d'RTL. Donc vous achetez votre voiture, vous passez par un garage. Vous achetez cette voiture 9 000 €, la Peugeot 3008. Il n'y a toujours pas la carte grise. Et vous venez de découvrir que la voiture est gagée, confirmée par mail par la sous-préfecture. Lorsque vous appelez le garagiste, Gali, il me tarde de savoir ce qu'il vous dit. Alors, je l'ai appelé le lundi 13. Parce que j'ai eu le mail le lundi 13, et donc je ne l'ai pas appelé, c'est toujours par SMS. Donc il me répond, je viens de l'apprendre comme vous, mais comme j'ai vérifié, ils m'ont dit que le gage a été levé le vendredi 10. Il dit que ça a été levé le vendredi 10. Bon, voilà. Donc il va falloir vérifier. Voilà. Mais vous avez vérifié ? Oui, exactement. J'ai envoyé un mail à la préfecture le 16 juin, et ils m'ont répondu le 17. Mais on m'a dit, le professionnel n'a pas encore fait la carte grise. D'accord, donc d'après vous, il vous joue un petit air de pipeau. Je pense que ça ne lui a pas plu parce que j'ai contacté directement le propriétaire. D'accord. Quand je lui ai dit que j'avais contacté le propriétaire, ça ne lui a pas plu du tout. Ça marche, Gali. Est-ce que ça sonne? Parce que j'entends plein de sonneries. C'est ça la sonnerie? C'est ça la sonnerie. Ah, d'accord. Pardon, Gali? On a un deuxième numéro de téléphone, Julien, un portable qu'on peut essayer tout de suite. Parce que celui-ci, cette sonnerie ne me... nous inspire pas. Ah oui, ne m'inspire pas. Je vais vous donner la parole et vous allez nous expliquer dans quelques instants, Maître de Caumont, si c'est quelque part. Et je ne dis pas que c'est le cas. C'est une supposition, mais est-ce que l'on est dans le pénal si l'on vend une voiture que l'on sait gager sans prévenir le client ? Ça, vous allez nous le dire dans une seconde. J'essaie juste de voir si quelqu'un nous répond. Dans quelle ville se trouve le garage, Gali ? Allez-y. En Seine-et-Marne. Allez, Sini. Bonjour. Aussi. Bon, alors, deux numéros qui ne marchent pas. Nous allons lancer le porte-voix dans une seconde. Vous essayez non-stop et vous me faites l'alerte dès que quelqu'un répond. Ok. Voilà. Ce garagiste prend l'argent, livre une voiture, n'a pas la carte grise. On apprend que la voiture est gagée. Et ensuite, il dit non. Ok, elle était gagée, mais ça y est, je l'ai, entre guillemets, dégagée. Allez la récupérer. Et le client. Appelle la préfecture, on lui dit non, elle n'a pas du tout été dégagée cette voiture, elle est toujours gagée. Donc là, est-ce que on peut dire que le professionnel fait tout ça consciemment ? La question, Julien, et je m'interroge depuis tout à l'heure, est de savoir qui dit la vérité et où sont éventuellement les lenteurs administratives, parce que c'est blanc ou c'est noir, elle est gagée ou elle n'est pas gagée. En d'autres termes, il y a une inscription dessus ou il n'y en a pas. Soit il n'y en a plus et c'est la préfecture qui a tardé à rentrer ça dans ses fichiers et il y a une brave fonctionnaire qui dit « Ah ben non, pour moi c'est toujours gagé, mais en fait elle a été dégagée et la préfecture n'est pas à jour. » Soit c'est l'inverse. C'est vrai qu'il peut y avoir aussi cette solution. Il peut y avoir ça. Et à l'inverse, il se peut très bien qu'effectivement la voiture soit toujours gagée et que le garagiste nous joue du pipeau. Gali, vous avez un papier de la préfecture. Est-ce que je peux vous donner une information pour... Je vous en prie, Gali, allez-y. Voilà, parce que quand j'ai récupéré la voiture, bon, j'ai fait le tour avec elle. Quand je suis revenu chez moi, donc ma femme me voyait de se conduire, et il y avait le GPS et tout ça. Je dis, attends, on va voir le carnet d'entretien. Et dans la voiture, on a trouvé ni carnet d'entretien, ni le sans-livre manuel. Et du coup, quand j'ai appelé le négociant, il m'a dit, d'accord, je vais voir le garagiste qui m'a donné la voiture, c'est un garage Peugeot avec votre mère, pour vous récupérer ça. Donc j'ai attendu 2, 3 jours, 4 jours, 5 jours avec SMS. Comme il ne me répond pas, je dis, du coup, dans ma tête, je dis, tiens, peut-être c'est le propriétaire qui l'a, j'ai pas donné le manuel. Donc, c'est pourquoi j'ai téléphoné au propriétaire. Et quand je l'ai appelé, il m'a dit, ah non, non, non, nous, quand on a donné la voiture au garage Peugeot de Baie-Contre-Vert, on a donné et le manuel, et le guide de bon. L'utilisation. Mais Gali, là, on va peut-être pas faire 10 minutes sur le manuel. Ce qui nous intéresse, c'est le gage. Le manuel, on en trouvera toujours un. Oui, maintenant. Oui, mais. Oui. Julien, il parle aussi du carnet d'entretien. L'entretien, c'est surtout ah, ça. Voilà. Vous voyez ce que je veux dire? Non, j'avais pas compris. Pardon, comment fonctionne une serrure, c'est pas d'accord. indispensable. Le carnet d'entretien, oui. c'est pas pour une connaître obligation. L'historique de la voiture. Voilà, c'est d'accord. pas une obligation okay. légale, Julien, bon. Mais c'est très important pour connaître l'historique de la voiture et éventuellement certaines alors, choses. Comment fait-on de vous dire. On continue d'appeler, on rappelle une nouvelle fois le garage, vous essayez non-stop et vous me faites une alerte. Là, Hervé et Marie appellent sur les deux lignes, non-stop, non-stop, je sortirai le porte-voix. Peut-être que Germain peut de son côté essayer d'avoir la préfecture pour nous avoir un interlocuteur de manière à ce qu'ils nous disent clairement aller gager oui. ou pas gager. Mais Gali, on est bien d'accord, c'est la question que je vous posais tout à l'heure, que vous, vous me dites que vous avez un écrit de la préfecture. Oui, oui, oui, parce que quand j'ai envoyé, c'est par mail. Ils m'ont oui, Gali, Gali ne, voilà. ne me racontez pas toute l'histoire, Gali. Vous avez un écrit qui dit la voiture est gagée. Tout à fait. Bon. À la date du 13 juin. Bien, donc Maître de Caumont, il n'y a plus à se poser la question est-ce une lenteur, pas une lenteur, puisqu'il lui envoie un papier. Je maintiens, Julien, que. Ça peut arriver aussi. S'il y a un papier du 13 juin qui dit la voiture est toujours l'objet d'une inscription de privilège, a priori, oui, on est totalement d'accord. C'est effectivement un papier qui fait foi. Maintenant, je n'exclus pas la possibilité qu'il y ait éventuellement une lenteur de transmission bon, d'un service on à l'autre. On va faire un nouveau pointage. Exactement, allez, Julien. Nouveau bah, pointage à la préfecture. On est le 20 juin, nouveau pointage. Si la préfecture nous dit c'est toujours gagé, là je pense qu'effectivement les choses sont claires. 10h34 sur RTL, trois dossiers ont été lancés, on fera un point info dans quelques instants. Mais je vous rappelle la grande nouvelle pour vous féliciter, vous remercier d'avoir fait de RTL la radio et du 9h30, 11h l'émission la plus écoutée de France. Eh bien la valse des cadeaux continue avec un séjour à Disneyland Paris. Vous irez à Disneyland Paris vivre la magie de la Reine des Neiges jusqu'au 18 septembre 2016. Puisque vous viendrez chanter en chœur les musiques du film avec Elsa, Anna et Olaf lors d'un magnifique spectacle interactif. Et vous allez voir que vous pourrez également visiter les deux parcs et être logé au Sequoia Lodge. 3210, touche numéro 2 pour arriver au standard jeu, puis touche numéro 1 pour gagner. SMS RTL au 74 900. Le point info, et nous continuons à nous battre sur tous les cailles, on repartira sur le chantier. Retrouvez Sarah. Émission exceptionnelle ce matin sur RTL, la première émission de France. RTL. Alors, la table, c'est bon. La déco, nickel. Le gratin, ça cuit. Eh ben, parfait. Il manque plus que les invités. Ah ouais, c'est tes amis qui mangent debout qui viennent. Gna, mes amis qui mangent debout. Non, mais j'ai que 4 chaises, alors... Eh ben, t'as peut-être pas assez de chaises, mais t'as pas mal de voisins, non? Je vois pas le rapport, là. Allovoisin.com. Location de matériel pour la maison, le bricolage ou le jardinage. Demandez simplement sur allovoisin.com et vos voisins vous répondent en temps réel. Allovoisin.com. C'est très utile, un voisin. Question santé, il y a ceux qui pensent que ça n'arrive qu'aux autres. Évidemment, ils se trompent. L'arthrose, par exemple, concerne environ 17% de la population française, mais elle n'est diagnostiquée que dans la moitié des cas. En cas de raideur ou de douleur articulaire, vous souffrez peut-être d'arthrose. En consultant votre médecin sans tarder, vous pouvez bénéficier d'une prise en charge globale efficace de l'arthrose. Plus de renseignements sur arthrolink.com des laboratoires Expanscience. Campagne de détection précoce de l'arthrose avec les laboratoires Expanscience. Leclerc. Papa, c'est toi qui as fait le plein de glace Ben & Jerry's ? Je veux, oui. Chez Leclerc, c'est la fête des surgelés, avec des promos sur tout le rayon. 40% de réduction immédiate sur les Ben & Jerry's. Mais c'est génial, c'est mes préférés. Et je déclare ouverte la saison des glaces à la maison. C'est parce qu'on pense à tous les gourmands que du 15 au 25 juin chez Leclerc, le pot de crème glacée Ben & Jerry's, 425 grammes, avec 40% de réduction immédiate, est à 2,24 euros, soit 5,27 euros le kilo après réduction. Vend modalité dans les magasins participants. Oh, celle-là, elle est trop bonne. Écoute-moi ça. Pour votre santé, évitez de grignoter. En direct avec Stéphane Bern pour commenter l'arrivée du couple princier. Oui, Marie, ils viennent juste de prendre place devant une véranda Akena. Pardon ? Oui, pas de doute. La qualité de la pose, le sur-mesure, c'est bien une véranda Akena. Mais revenons au couple. Isolation et sécurité, vous voulez dire ? Avec Akena, l'un ne va pas sans l'autre. Mais chut, c'est le moment de la photo officielle. C'est l'anniversaire Akena. Rendez-vous sur akenaveranda.com et gagnez la 150 millième véranda. Akena, la reine des vérandas. Vous voulez perdre 5, 10, 15, 20 kilos, voire plus? Alors comme j'aime est la solution. Michel, j'ai 46 ans, moi je suis d'accord. Comme j'aime, ça marche. J'ai perdu 16 kilos en 8 mois. Laurent, 36 ans, pour moi aussi ça a marché. J'ai perdu 47 kilos en 10 mois. Laura, 21 ans, je suis étudiante. Moi j'ai perdu 12 kilos en 3 mois. Vous voyez, comme j'aime, ça marche. En ce moment, nous vous offrons un mois gratuit. Oui, un mois gratuit. Appelez comme j'aime au 0800 507 507. 0800 507 507. Appel gratuit depuis un fixe. Vous écoutez le 9h30, 11h sur RTL. Retour sur le chantier, Sarah, où ça s'active et vous vouliez mettre en avant encore un bénévole qui s'est déplacé pour aider cette maman et son fils, Sarah. J'ai le plaisir effectivement de vous présenter Joseph qui va être à l'antenne avec nous de Home Design. Je tiens à signaler qu'il était là pour la démolition, mais il offre la cuisine dans son intégralité, Julien, c'est énorme. Vous imaginez, comme vous dites, oh my god, c'est énorme. Il est là, Joseph ? Oui, je suis là, Julien. Oh, c'est Saint-Joseph qui est avec nous. Alors, bonjour. Joseph, où est votre magasin, vous, exactement ? Il est à Moron-les-Bains. À Moron-les-Bains. Et Joseph a décidé d'offrir une cuisine à cette maman ? Voilà, j'ai décidé d'offrir une cuisine et puis de participer aux travaux de A à Z. Eh bien, c'est formidable. Vous êtes un grand homme avec un grand cœur. C'est pour ça que... C'est quoi votre magasin ? C'est Design Home ? Design Home. Très bien. Ben, merci et que les gens aillent chez vous pour vous rendre l'appareil. Chez Joseph Micheli. Merci à vous. Alors, bravo. Je suis fier de vous. C'est merci fantastique beaucoup. Ce qui se passe là-bas pour cette maman et son enfant. Ils étaient tous les deux dans une ruine et la maison prend forme. Ah tiens, en parlant de maison, merci, j'ai un endroit... Pardon ? Non, c'est Myriam qui offre parce qu'elle est très émue. Mais passez-la-moi. Je vous la passe, Julien. Passez-la-moi. Oui, alors. Alors, ma Myriam, c'est fantastique d'autant de monde. Ah oui, c'est clair. Vous avez vu comme ils sont sympas, les auditeurs d'RTL ? Ah, ils sont magnifiques, je les aime tous. Alors, racontez-moi, là, qu'est-ce que vous voyez autour de vous ? Qu'est-ce qui se passe sur le chantier ? Eh bien, écoutez, pendant qu'il y en a qui participent, tout le monde s'active, les électriciens sont en train de bosser, les plombiers aussi. J'ai mon cœur qui bat à 100 à l'heure, c'est beaucoup trop d'émotions aujourd'hui et c'est super. Et votre fils, il est où, là ? Alors, mon fils, il est à l'école, mais il a laissé un petit message ce matin à Sarah pour lui dire que malheureusement, il avait des petites évaluations, donc il pouvait pas être là. Normal. Mais il m'a dit de vous faire un gros bisou. Et surtout, il vous a acheté une petite surprise, mais je le donnerai à Sarah qui vous fera parvenir. Voilà. Une Porsche Targa 4S sur des textures. J'en rêvais. Oui, déjà vous cherchez avec. Une petite bricole. Merci beaucoup. Merci. Et j'en veux pas le cadeau, mais ça fait, je vais le prendre. Quand je dis j'en veux pas, c'est, je ne le fais pas ça pour avoir un cadeau. Je le fais parce que voilà, on est tous émus, qu'on a tous envie que ça marche. Allez, on continue. On va pas déranger les bénévoles. Ils sont venus pour travailler. Pendant ce temps-là, ils abandonnent leur entreprise. Nous allons nous écouter. Il y a plein de dossiers encore en cours. On va faire ce fameux point info sur les 3 dossiers. Mais voici Lucas Graham. Ça, c'est un titre merveilleux que nous vous faisons écouter sur RTL, où vous l'avez vu, toutes les musiques sont là, les plus récentes, celles qui vous touchent au plus profond de votre âme. Et c'est le cas de ce Lucas Graham et Seven Year. RTL, la solidarité, l'amour est là. Once I was 7 years old, my mama told me, go make yourself some friends or you'll be lonely. Once I was 7 years old. It was a big, big world, but we thought we were bigger. Pushing each other to the limits, we were learning quicker. By 11, smoking herb and drinking burning liquor. Never rich, so we were out to make that steady figure. Once I was 11 years old, my daddy told me, go get yourself a wife or you'll be lonely. Once I was 11 years old. So I started writing songs, I started writing stories. Something about that glory just always seemed to bore me. Cause only those I really love will ever really know me. Once I was 20 years old, my story got told. Before the morning sun when life was lonely. Once I was 20 years old. Only see my goals, I don't believe in failure. Cause I know the smallest voices, they can make it major. I got my boys with me, at least those in favor. And if we don't meet before I leave, I hope I'll see you later. Once I was 20 years old, my story got told. I was writing about everything I saw before me. Once I was 20 dreams have been sold. We've traveled around the world and we're still roaming. Soon we'll be 30 years old. I'm still learning about life. My woman brought children for me, so I can sing them all my songs and I can tell them stories. Alerte, mesdames et messieurs, priorité au Carvé Pouchol. Le patron Label Auto en ligne, Julien. Oui, bonjour monsieur, Julien Courbet, s'il vous plaît. Nous sommes en direct sur l'antenne d'RTL. Je suis avec Gali Dana. Comment allez-vous, monsieur de Label Auto? Soyez sympa, parlez-moi, monsieur de la Belle Auto. Hervé, vous l'aviez en ligne, il est en ligne, il nous écoute. Il a raccroché. Ah, il a raccroché. Alors, bien, c'est dommage. C'est dommage parce que, voilà, ce monsieur, on voulait simplement discuter avec lui, monsieur Jean Gargoli, de la société donc La Belle Auto, qui aurait vendu cette voiture, qui serait gagée. Et l'information est suffisamment importante pour qu'il prenne la peine de nous dire si oui ou non elle était gagée. J'ai quand même pu discuter un petit peu avec lui. Il m'a dit qu'elle n'était plus gagée et que la carte grise était à la disposition de Gali au garage. Mais alors, ce que je ne comprends pas, c'est que si elle est à la disposition de Gali au garage, est-ce que Gali vous a appelé en vous disant « venez récupérer votre carte grise » ? Eh bien, pas du tout. Le vendredi passé, je lui ai envoyé un SMS et jusqu'à présent, aucune réponse. Moi, je veux bien, mais si vous ne le dites pas au client, il n'a pas une boule de cristal tous les matins pour essayer de savoir si, comme par hasard, la carte grise arrive. Donc, on appelle ce monsieur, il vous dit « la carte grise est là » et le client ne le sait pas. Nous, on n'en a pas besoin de la carte grise. Alors, nous allons le rappeler, nous allons lui demander à ce monsieur de bien vouloir avoir la gentillesse, de parler avec nous, il n'y a rien de grave. C'est un petit problème de communication, mais je ne crois pas, c'est pas raccroché au nez qui va faire avancer le schmilblick. Monsieur Jean Gargoli, Label Auto, ça se trouve où? Parce qu'il doit y avoir plusieurs Label Auto, ça se trouve où, Gali? À Lusigny, en Seine-et-Marne. À Lusignan, Seine-et-Marne, c'est ce que j'ai cru comprendre. Lésigny, pardon, Lésigny. Les Lusignan, c'est plutôt dans le sud, ça. Oui, c'est chez moi, ça. Lésigny, Seine-et-Marne, 77-150. Alors, on réessaie, allons-y, appelons. Oui, Marie? Juste pour vous dire, Julien, que j'ai appelé la préfecture de Seine-et-Marne. J'ai eu le service carte grise quand j'ai annoncé que c'était l'émission. On m'a dit, ouh là là, je vous passe un responsable, donc je suis en attente. On vous a dit oulala? On m'a dit oulala. C'est énorme. C'est énorme. Qu'est-ce qu'on vous a dit? Oh my god, c'est énorme. Vous imaginez, vous appelez la préfecture. Oui, bonjour, Simone de la préfecture. C'est Julien Courbet à l'appareil. Oh my god, c'est énorme. Oui, parce qu'ils sont super branchés là-bas. Il ne faut pas croire. Bon, alors j'attends d'avoir la préfecture. Est-ce que ça sonne chez La Belle Auto? Alors ça ressonne, il ne répond toujours pas? Si, il y a quelqu'un en ligne? Non. Allô? Non, ça sonne toujours. Ah ouais, messagerie. 52. Bon. Ouais. 02. Ouais. Ben, nous allons le rappeler demain, mais c'est idiot parce qu'on va pas en faire un péplum jusqu'au 8 juillet là, de cette histoire de La Belle Auto. Il suffit juste qu'ils nous disent comment faire pour récupérer cette carte grise. Ceci étant dit, Gali, vous êtes à combien, vous, du garage? Oh, je suis à une demi-heure, pas loin. Bon, alors, on va faire plus simple. On va pas embêter ce monsieur. Il vous a dit, Hervé, que la carte grise était dispo. Il m'a dit que la carte grise était dans son garage. Soit il l'envoyait. Je lui ai proposé que Gali aille la récupérer. Mais le fait d'avoir la carte grise, est-ce que ça veut dire qu'elle est dégagée, la voiture? Absolument pas. Voilà. Donc, alors, moi, il m'a dit qu'elle était dégagée. Mais c'est pas marqué dessus. C'est pas marqué dessus, c'est ça le problème. Donc, on va attendre d'avoir la préfecture et puis on va le dire clairement. Donc, il y a deux solutions. Soit la préfecture nous dit aujourd'hui à 10h45, il n'y a plus de gage, il va chercher. Sinon, il ne va pas la chercher. Bien sûr. Parce que ça veut dire que ce monsieur est en train de nous mentir. C'est l'un ou l'autre. Et on pourrait régler ça à l'amiable en se parlant. Je ne comprends pas que ce monsieur Gargoli ne veuille pas nous parler. Ceci étant dit, c'est son droit le plus absolu. Donc, j'attends des nouvelles de La Belle Auto. Alors, Gali, avant d'y aller, on attend d'avoir la préfecture, nos amis de la Seine-et-Marne, qui sont en train d'essayer de donner la réponse à Marie. Je ne suis pas sûr de l'avoir dans le quart d'heure, mais demain matin, vous êtes prioritaire. Ou après-demain matin, d'accord? D'accord. Alors, on attend pour l'instant. On va faire un petit point info, mesdames et messieurs. Ah, j'ai une petite info qui me faisait plaisir parce que c'est des jeunes qui se lancent. Et c'est, vous connaissez l'équitation, Maître Felono. Vous connaissez le saut d'obstacle et on peut tomber, se faire mal. Ah oui, ça, et donc, tous les parents maintenant mettent des protections et des fameuses airbags. Et le problème, quand on fait du concours, parce que c'est une très grande fédération, c'est qu'on est obligé de mettre une veste de concours, c'est la tenue. Et donc, on met l'airbag par-dessus. Et c'est très moche. Faut dire les choses comme elles sont. Ça sert à rien d'avoir une belle veste si vous avez un airbag par-dessus. Et là, il y a une marque qui s'est lancée qui fait des airbags intégrés à la veste, avec en plus un airbag qui vient vous protéger la nuque, ce que ne faisaient pas les précédents. Parce que la chute, c'est là que le mal se fait. Ouais, c'est sur la nuque. Alors voilà, je voulais leur donner un petit coup de pouce parce que j'ai vu ce stand lors d'un concours ce week-end. C'est la marque Oscar et Gabriel. Oscar et Gabriel, allez voir leur site oscaretgabriel.com et vous allez voir des vestes, des blousons pour vos enfants, même pour vous adultes si vous en faites, avec le gilet intégré. Dès que vous tombez, le gilet se désolidarise de la selle et se gonfle en 0,1 seconde. Et là, vous devenez le bibendum, et donc vous protégez la colonne vertébrale, la nuque. Et ça me paraît tellement être indispensable quand on fait des sports comme ça, comme pour la moto. Exactement, Julien. On a ça aussi maintenant. C'est des brevets qui ont été cherchés auprès de la moto. Tout à fait, et ça sauve des vies. Mais bien sûr, donc faites-le oscaregabriel.com. Allez voir, vous allez voir, c'est nickel. Le point info, juste après la pub, il est 10h47. C'est RTL qui est sur tous les fronts pour vous aider, pour vous rendre la vie plus facile, avec le sourire et avec une partie de notre cœur chez les Bleus. Ok, hier, c'était pas peut-être ce que l'on attendait. On voulait la victoire, on ne l'a pas eu. Mais on est toujours là, dans la compétition. Par contre, on va rentrer maintenant dans le vif du sujet, Maître Fellono, parce que là, on va voir qui on va tirer mercredi. Alors, Alain Hazard, à votre avis, qui peut-on tirer? Qui faut-il éviter? Mais très rapidement, parce qu'à chaque fois que vous parlez de football, on a des tas de... Ah, on a... Voilà, c'était le temps de patienter, vous voyez. Alors, je vous ai bien eu. Oui, qui est en ligne? La préfecture, Julien. Allô, la préfecture? Non, j'essaye de vous trouver une personne, justement, depuis tout à l'heure. Ah, d'accord, merci. N'inquiétez pas. Merci. Bon, ben Marie, vous reprenez. Allez, c'est reparti. N'hésitez pas à nous couper la parole pour nous passer des gens qui nous mais disent qu'on ne peut pas nous parler. Si, si. Oh, c'est énorme. Vraiment, Marie, c'est il en a énorme. Ah oui, là, justement, j'allais vous en parler. Je voulais vous faire faire un stage pour vous remettre un peu dans le coup pour l'année prochaine. Un me stage. Remettre dans le coup. Exactement. Très bien. On serait que tous les deux, ça serait un stage. Oh my God, c'est énorme. C'est le nom que j'ai donné à ce stage. D'ailleurs, s'il y a des femmes qui sont intéressées. Quelle prétention. Alors, c'est un stage où je vous fais rentrer dans une pièce. Il se trouve que par un heureux hasard, cette pièce est équipée d'un lit et d'une salle de bain. Et en général, les stagiaires que je forme au métier de la radio et de la communication, en sortant de la chambre, feront. Oh my God, c'est énorme. Et je vous assure, ça a des résultats. On trouve très vite un boulot. Ah ouais. Ne me croyez pas, maître. Non, je doute. Ne laissez pas quelques petites rides gâcher votre joli sourire. En ce moment, en magasin, vous êtes satisfaite ou remboursée sur une sélection de produits anti-rides Nivea Q10. Et ça, ça vaut bien un petit sourire, non? Offre soumise à condition sur les produits Nivea Q10 porteurs de l'offre dans la limite des stocks disponibles. Modalité complète sur Nivea.fr. Vous le savez peut-être pas, mais avec EDF, vous pouvez souscrire un contrat d'électricité directement avec l'application EDF et moi. C'est même possible pour le gaz. Et comme tout se fait avec l'appli, vous réalisez vos démarches quand vous voulez. C'est tout de suite plus simple, surtout si vous êtes en plein déménagement. Facilitez vos démarches, ça fait aussi partie des engagements EDF et moi. Plus d'informations sur nos offres d'énergie sur edf.fr. L'énergie est notre avenir, économisons-la. En direct avec Stéphane Bern pour commenter l'arrivée du couple princier. Oui Marie, ils viennent juste de prendre place devant une véranda Akena. Pardon ? Oui, pas de doute. La qualité de la pose, le sur-mesure, c'est bien une véranda Akena. Mais revenons au couple. Isolation et sécurité, vous voulez dire ? Avec Akena, l'un ne va pas sans l'autre. Mais chut, c'est le moment de la photo officielle. C'est l'anniversaire Akena. Rendez-vous sur akenaveranda.com et gagnez la 150 000e véranda. Akena, la reine des vérandas. Chez Sarenza, les soldes de chaussures, c'est mercredi. Et pour vous préparer des soldes de rêve, les équipes de Sarenza s'entraînent dur. Très dur. 856 701, 856 702, 856 703. Jérémy, par exemple, est en train de faire des pompes. Non, en fait, je compte les pompes. Clarks, Adidas, Geox, plus d'un million de chaussures seront bientôt soldées jusqu'à moins 60%. Alors téléchargez l'appli Sarenza et rendez-vous mercredi à 8h cliquante. Sarenza.com. Leclerc. Chérie, je sais pas toi, mais cette compétition de foot en ce moment, je suis fan total. Ah bah oui, ça à fond. C'est donc le moment d'aller chez Leclerc participer au grand jeu, la Ligue des supporters, à partir de 25 euros d'achat ou pour l'achat de 3 produits partenaires du jeu. Il y a un super sac de sport à gagner. Et là, je sens que... À fond. Oui. Du 15 au 25 juin chez Leclerc, tentez de gagner un sac de sport des 25 euros d'achat ou encore pour l'achat de 3 produits partenaires du jeu. Voir modalité dans les magasins participants. Tous supporters, tous chez Leclerc. Voilà, il est à fond. Vous écoutez le 9h30, 11h sur RTL. Et nous revenons sur notre chantier de solidarité parce qu'il se passe pas mal de choses. Sarah, vous êtes en ligne ? Oui, je suis là, Julien. Sarah, est-ce que vous pouvez me passer, s'il vous plaît, la maman ? Oui, Myriam, je vous la cherche et je vous passerai par la fille Max qui a beaucoup œuvré aussi à mes côtés. Alors, je cherche Myriam. Sarah, passez-moi la maman, s'il vous plaît. Merci beaucoup, oui. Parce qu'on est en fin d'émission. Merci, ma bien cocotte. Sûr, mais je la cherche. Ah, vous elle ne savez pas, elle n'est pas à côté de vous, pardon. Vous l'aurez dans une seconde ? J'avais pas compris, je pensais que Sarah était en train de me parler autre chose. Elle est en train de me parler d'autre chose. Alors, est-ce que Sarah, vous l'avez trouvée, s'il vous plaît ? Je suis là, c'est Myriam. Ah, Myriam, ça va ma Myriam ? Myriam, oui, bien, et vous ? Quel âge a le petit ? Il a 7 ans et demi. Il a 7 ans et demi. Est-ce que vous avez déjà entendu parler d'un parc de jeux pour les enfants à Saint-Just-Saint-Rambert ? Saint-Just-Saint-Rambert. Ça vous dit quelque chose, Saint-Just-Saint-Rambert? Oui, la commune me dit quelque chose. Bon, alors, Richard, vous êtes en ligne? Oui. Qu'est-ce qu'on peut faire sur l'aire de jeu de Saint-Just-Saint-Rambert? Ah ben, j'ai appelé pour dire que j'offrais 10 entrées pour le petit, parce que je pense qu'il a été un petit peu traumatisé avec cette histoire. Mais qu'est-ce qu'on peut y faire dans l'aire de jeu? Ah, pardon. Ben, on peut s'amuser. Il y a 1000 mètres carrés pour les enfants de jusqu'à 12 ans. Voilà. Donc, ce qu'on voulait, c'était que vous puissiez emmener l'enfant avec tous ses copains pour fêter ça. D'accord? Bravo. Voilà, merci Richard, à Saint-Just-Saint-Robert. Merci. Attendez. Richard, merci. Ça c'est que le début, ça c'est l'entrée. Maintenant on va passer au plat de résistance. Pardon. Vous savez que nous avons ici un bienfaiteur qui s'appelle Tonton Georges. Et Tonton Georges, comme on fait gagner à des auditeurs d'RTL un séjour Disney, s'est dit, et pourquoi Myriam ne ferait pas partie de la fête? Vous allez donc partir avec votre fils, 2 jours complets, pension complète à Disney, logé, nourri. Et visiter les 2 parcs. Vous avez entendu Myriam? Oh, mais Myriam, la pauvre, j'entendais pas. Oh, Myriam, et ne pleurez pas, parce que sinon, je fais plus de cadeaux, moi. En plus, je suis assez sensible, j'ai tendance à vite pleurer. Donc, Julien, oui. Julien, Myriam est effondrée d'émotion. Elle vous remercie. Elle est dans mes bras, elle pleure. Elle remercie vraiment tout le monde. Cette journée est juste magique pour elle. Et ça lui redonne vraiment un espoir pour le futur, pour elle et son bon, enfant. Alors. Elle gagne en tout cas, dites-lui, 2 jours. Et on va demander si Génial. Kleenex ne veut pas nous sponsoriser oui, également aussi. Et nous offrir une boîte. Je lui offre donc, c'est Tonton Georges et RTL qui offre, et Disney surtout, parce que Disney, à chaque fois que quelqu'un est en difficulté, je tiens à le dire, immédiatement, ils offrent un séjour, mais sans même discuter, sans poser de questions. La magie Disney, elle existe dans le parc, mais elle existe en dehors du parc aussi, ça il faut le dire. Donc voilà, elle a gagné 2 jours à Disney. Alors justement, on enchaîne sur maintenant l'auditeur qui va le gagner également, puisque nous voulions vous féliciter vous aussi de nous être fidèles, parce que vous l'êtes, et de plus en plus. Et c'est génial que vous soyez aussi nombreux à nous écouter. Donc nous appelons maintenant pour faire gagner quelque chose à l'un ou l'une d'entre vous. Oula, ça c'est de la sonnerie de compétition. Alors pour tous les autres dossiers, ne vous inquiétez pas, on devait faire oui, le pauvre. Oui, allô Antoine? Oui. Antoine, tu es étudiant dans la Drôme, n'est-ce pas? C'est ça. Tu es étudiant en quoi, Antoine? Je suis en prépa pour rentrer en fac de pharmacie. En fac de pharmacie. Bon, alors, est-ce que tu connais le parc d'attractions sur la pharmacie qui s'appelle Disney? Où tu as le pharmacien Mickey? Tu as la pharmacienne Minnie? Tu as Dingo, celui qui prépare les petites potions? Ils y sont tous. T'as envie de faire la fête là-bas, Antoine? Ouais, ce serait plutôt cool. Ouais. Eh bien, tu vas pouvoir y aller avec la personne de ton choix. Et même plus que de ton choix, parce que tu pars à 4. À 4, Antoine. Là-bas, à Disney, pendant 2 jours, avec tous les parcs. Ça, c'est vraiment cool, merci beaucoup. Avec qui tu vas, Antoine? Bah, je vais sûrement y aller avec ma copine et des collègues, ou peut-être mon frère. Eh bien, c'est parfait, Antoine. Fais-toi plaisir. Merci, Disney, en tout cas. Toi qui es dans la Drôme, à Pierrelatte. À bientôt, Antoine. Merci beaucoup. Ciao, ciao. Et merci du fond du cœur à Disney, qui font vraiment donc heureux côté auditeur. Et puis cette maman avec son fils, imaginez un peu pour le gamin là qui vit dans un garage, qui vit dans une ruine, qui a honte, parce qu'il faut aussi parler de ça, du volet social de l'affaire, c'est qu'on a honte d'emmener les copains pour les anniversaires. On le vit très mal. Et là, il va s'offrir 2 jours de rêve grâce à Disney. Ils sont vraiment magiques chez Disney. Merci à eux. Le point info, s'il vous plaît, maintenant, on y va. Le point sur tous les cas, c'est la Minute Info. Alors, Hervé Pouchol, c'est à vous de jouer. Jean-Michel est le site de voitures d'occasion qui a vendu une voiture. Elle devait être réparée dans un autre garage. Il fallait payer cet autre garage. Petit problème de communication. On a eu Aramis Auto. C'est des pros. Il faut quand même le dire. C'est des gens qui n'acceptent pas qu'un client ne soit pas satisfait. Et ils envoient le virement au garage avec le RIB. Directement aujourd'hui, le problème est réglé. C'est nickel, merci Aramis. Marie-Antoinette n'avait pas vu que sa pension de reversion n'était plus versée. Alors tout à l'heure, Marie-Antoinette a dit non, je l'ai pas reçu le questionnaire, mais en fait, elle avait bien reçu. Elle s'est un peu mélangé les pinceaux. Absolument, je viens d'avoir à l'instant. Ils ont tenu parole, nos amis de CARSA, la Caisse d'assurance retraite et de la santé du travail. Il manquait en fait la signature de Marie-Antoinette. Oh, donc, oui, elle lui renvoie notre ami de la CARSA. Elle lui renvoie donc un questionnaire et il lui faudrait d'urgence son avis d'imposition afin de régler le problème. Ça, vous vous en occupez. Merci la CARSAT qui a été très très vite. Ouais. C'est des pros là-bas aussi. Nous avons Gali, c'était un appel express. Alors lui, Gali, c'est plus compliqué. Il achète à Lézigny, Seine-et-Marne, une voiture et malheureusement, pas de carte grise et la voiture serait gagée. On essaie absolument d'avoir le patron, monsieur Gargoli, nous a raccroché au nez, la belle auto, et alors ? Bah avec Marie, on a essayé d'appeler au moins une cinquantaine de fois sur le fixe, sur le portable. Moi, j'ai réussi à l'avoir. Il m'a dit que le véhicule n'était pas gagé, qu'il avait la carte grise et qu'il comptait lui alors, renvoyer nous allons voir si la préfecture va nous confirmer si le véhicule est gagé ou pas. Mais la préfecture est en ligne actuellement. On avance avec Germain sur le dossier. Pour l'instant, on n'a pas de réponse. Mercredi matin, sur l'antenne d'RTL, vous saurez si la voiture est gagée ou non. Et donc, si notre amie Dana Galli peut aller chercher sa voiture, si monsieur Gargoli de la Belle Auto veut nous rappeler d'ici là, il le peut. Mais nous reprenons ce dossier tous les jours s'il le faut. Une dernière fois, merci à tous les bénévoles qui sont venus sur le chantier. On vous aime fort. Vous êtes extraordinaire d'avoir sauvé cette maman et son fils. Comment fais-tu pour perdre du poids aussi rapidement ? Le programme minceur Chrislore. Chrislore ? Chrislore, c'est une alimentation équilibrée fabriquée en France et d'origine naturelle. C'est un repas ? Oui ! En plus, tu as un suivi personnalisé par un conseiller Chrislore près de chez toi. Appelle le 0800 34 36 38. Appel gratuit depuis un poste fixe. Pour votre santé, limitez les aliments gras, salés, sucrés. Chrislore, j'adore, l'ami de votre silhouette. Carrefour Market fête ses clients. Il y a de l'ambiance chez vous. Vous avez changé la déco, faites une fête, c'est pour quelle occasion ? C'est la grande fête, Michel. À partir du 21 juin, Market fête tous ses clients. Oh, c'est sympa ça. Et oui, et jusqu'au 3 juillet, il va y avoir des promos à gogo, des animations et beaucoup de surprises. Oh, j'aime beaucoup votre programme. Attendez, je vous raconte. Par exemple, dès mardi chez Market. Ah non, ne me dites rien, j'adore les surprises. Carrefour Market, le plein de fraîcheur et d'économie. Modalité, produits et magasins participants sur carrefourmarket.fr. C'était les meilleures vacances de ma vie. J'arrive sur une grande plage, superbe. Enfin non, une petite plage déserte. Et c'est là que je tombe sur cette fille. Non, je tombe sur ces deux filles. Deux brunes, magnifiques, qui sortent de l'eau. Deux jumelles, blondes, magnifiques, qui sortent de l'eau. Et on a fait la fête dans une sorte de village hippie. Un village hippie. Voilà, et après on a fait des brunchs. Il est vraiment temps de vous faire de nouveaux souvenirs. Avec Intercité, les billets sont à partir de 15 euros toute l'année. Offre soumise à condition. Plus d'infos sur sncf.com. SNCF. On est fait pour s'entendre. Flavie Flamand sur RTL. Tenir un journal intime, un blog, rédiger un roman ou des lettres aurait des vertus insoupçonnées. Quels sont les bienfaits de l'écriture ? J'écris donc je suis, cet après-midi dès 15h dans On est fait pour s'entendre sur RTL. À demain, 9h30 en direct. Merci à toutes les équipes et vraiment aux bénévoles qui sont venus là-bas aider cette maman. Alors Stéphane, je sais que vous allez recevoir évidemment le comédien exceptionnel, mais... posez-lui une question oui. Sur l'extraordinaire cavalier que c'est. Ah mais absolument, je sais que vous avez cette passion en commun, Julien. Non, je c'est sais Guillaume qu'il me ridiculise Guénet, notre... à chaque fois, ça je le sais. Oui. Vous allez au Longines Paris Jumping ? J'irai le voir sauter. Mais c'est vraiment un super cavalier. Mais je sais, mais il a tous les talents. Je dis bravo. Oui. Merci voilà. Julien. Ben, merci. De rien mon Guillaume, bravo. Il paraît que tu es passé à 140. Oui, même 5, même 145. Non, là, je... Bon allez, continuez Stéphane. Et 145, c'est 1m45. Pour les gens, parce que les gens se disent tu es passé à 140. C'est pas un excès de vitesse quand on dit 140. Non, il roulait pas vite, il sautait très haut. Mais Julien monte très bien aussi. Oui. Bonne journée, mon Julien. Bonne allez, journée. Puis on ira voir le film de Guillaume Canet qui s'avère être un petit chef-d'œuvre. Ah, superbe. Merci. Oui, superbe. Vous écoutez RTL. What's the sense in sharing this one and only life? Il est 11h. Et c'est avec un plaisir non dissimulé que je retrouve Olivia Loret pour les infos. Rebonjour Olivia. Rebonjour Julien, bonjour à tous. Dernier hommage à Jean-Baptiste Salvan et à Jessica Schneider à Pézenas dans l'Hérault ce matin. Des centaines de personnes étaient présentes, place de la mairie. Les deux policiers assassinés par Larossi à Bala il y a une semaine à Magnanville ont ensuite été inhumés dans l'intimité dans cette petite ville d'où était originaire Jean-Baptiste Salvan. En Italie, le parti démocrate du chef du gouvernement italien Matteo Renzi reconnaît aujourd'hui une défaite amère, brûlante aux élections municipales où il a perdu, entre autres, les municipalités de Rome et de Turin au profit du mouvement 5 étoiles. Dans la capitale, pour la première fois, le maire est une femme, Virginia Raggi, 37 ans. Après la CGT et malgré l'appel de Manuel Valls, Force ouvrière maintient son appel à manifester les 28 et 28 juin prochains contre la loi travail. Le secrétaire général Jean-Claude Mailly assimile le comportement du Premier ministre à celui d'un pyromane. Une sortie de la Grande-Bretagne de l'Union européenne serait irréversible. C'est la mise en garde du chef de la diplomatie britannique, Philip Hammond, aujourd'hui. Après plusieurs jours de deuil suite au meurtre de Jo Cox, la députée pro-UE, la campagne pour le référendum a repris au Royaume-Uni. Les sondages suggèrent un retour en force du IN, c'est-à-dire un maintien dans l'Union européenne. Et c'est la question du jour d'RTL Midi. Le Royaume-Uni doit-il quitter l'Union européenne? Donnez-nous votre avis sur notre site internet rtl.fr ou par téléphone au 3210. 65,3 millions, c'est le triste record du jour. Il concerne le nombre de déplacés et de réfugiés qui ont fui les conflits de leur pays dans le monde. Selon le Haut Commissariat des réfugiés, c'est la première fois que le seuil des 60 millions de personnes est franchi. Début d'une semaine de préparation pour l'équipe de France de football. Après un match nul contre la Suisse, les Bleus sont qualifiés pour les huitièmes de finale de l'Euro. Ce sera dimanche à Lyon. Ils connaîtront leur adversaire au plus tard mercredi. Les matchs de ce soir à 21h, Russie, Pays de Galles, Slovaquie, Angleterre, à suivre en direct dans RTL, grand soir d'Euro. Les courses ont lieu à Vichy aujourd'hui. Attention, le 9 et non partant. Les pronostics de Bernard Glass. Il vous conseille le 16, le 18, le 4, le 15, le 8, le 5, le 11, le 12. Dernière minute, le 18. Le temps gris et pluvieux dans le nord-ouest, ensoleillé sur les bords de la Méditerranée, en Languedoc-Roussillon et en Provence-Alpes-Col d'Azur. Attention quand même au Mistral et à la Tramontane qui soufflent toute la journée avec des rafales de vent qui peuvent atteindre les 70 km/h. Les températures, 15 degrés à Beauvais, 16 à Cherbourg, 17 à Paris, 19 à Limoges, 21 à Dijon et 28 si vous êtes à Montpellier. Bonne route avec Top Garage, 800 professionnels pour l'entretien de votre auto avec la garantie constructeur préservée. Vous êtes sur RTL, il est 11h03, tout de suite à la bonne heure. Bonjour Stéphane Bern. Bonjour Olivia, et nous retrouverons Olivia Leray à midi pour faire un nouveau point sur l'actualité. Mais d'abord, nous sommes dans à la bonne heure en direct et en public sur RTL avec notre invité Guillaume Canet, que je vais vous présenter dans un instant. Bonjour. Et je vais vous présenter tous mes petits camarades. Notre voyant du lundi, Tanguy Pastureau, vous avez regardé votre boule et votre boule vous a dit que l'été commençait. Et oui, et je vois une semaine difficile, une équipe est bien déjà à la plage dans sa tête. Hein, je vois du relâchement, la fin d'une saison, de l'épuisement total. C'est vrai. Moi-même, c'est je suis déjà à moitié mort. Parce qu'il a dit, les tenues ne se sont pas beaucoup relâchées. Oui. Ah non. On est très étouffé là. Oui, il fait froid dehors. Il fait froid. Pour un pingouin, il n'est pas manchot. Il résume toute l'actualité de ce début de semaine dans ses maillots express. Régis Maillot. Bonjour. Excellent, excellent l'histoire du pingouin. Oui. J'étais dans votre belle ville de Lyon ce week-end. Oui. Ça s'est bien passé ? C'est bien, c'est bien. Ce qui est bien à Lyon, c'est qu'on fait du régime. Pourquoi ? Tout est fait 3 kilos, quoi. Oui, c'est vrai. Je reviendrai aujourd'hui sur un classement que TV Magazine nous a révélé, le classement annuel des 10 animateurs de télévision préférés des Français. Je vous en dirai un peu plus tout à l'heure, parce que Sa Majesté est dans le coin. Ah oui, j'ai perdu 2 places, quand même. Hein. C'est bien fait. Qui va à la chasse. Voilà, exactement. Je ne vends pas des appartements, moi. C'est Stéphane Plaza qui m'est passé devant. Il aurait souhaité qu'on l'annonce au son des grandes orgues. C'est qu'il a expié tous ses péchés en regardant.